Il est 5h57 et depuis 5h, on vient de se faire les meilleurs moments du morning de D-Fool, comme tous les matins, entre 5h et 6h, hein, le rendez-vous. Avant l'arrivée de D-Fool en live, ça arrive là dans quelques secondes, avec Romano et toute l'équipe, plein de cadeaux, plein de bonne humeur pour vous accompagner. Je vous souhaite une bonne journée, un bon mardi, 11 octobre aujourd'hui. On fait un point sur l'actu, le sport, la météo, tout ça, sur Skyrock avec Rémi. Salut Rémi. Salut Mehdi, salut à tous. Bah, un temps automnal aujourd'hui, ce sera frais et sec, hormis sur la Côte d'Azur et sur la Corse, où des averses sont prévues partout ailleurs. Alternance de nuages et d'éclaircies avec un soleil bien visible, même si ça reste couvert ce matin en Île-de-France, dans le centre et sur le nord-est. Les températures ce matin comprises entre 0 et 12 degrés, 5 seulement en région parisienne, Icaille, de 10 à 16 au meilleur de l'après-midi et jusqu'à 18-20 dans le sud. Et puis la pollution, ça reste acceptable. Les indices compris entre 2 et 4, 5 à Paris, Rouen, Lille et Poitiers. Une équipe de France moyenne, mais une équipe de France qui gagne. C'est ce qu'on retiendra du match d'hier soir contre les Pays-Bas. Les Bleus ont été chercher la victoire à Amsterdam et prennent la tête du groupe A en vue du Mondial 2018 à ex-aequo avec la Suède. Score final à 1-0. Magnifique but de Pogba à la 30e minute après une frappe puissante à l'extérieur de la surface. Voilà qui va redonner de la confiance au Mancunien qui avait été pas mal critiqué après sa prestation très moyenne contre la Bulgarie. En attaque, on a pris plaisir encore à regarder le duo GG, Griezmann-Gamero, même si c'est un petit peu moins fluide qu'au dernier match. Didier Deschamps a désormais jusqu'au 11 novembre pour peaufiner ses petits réglages. Prochain match justement contre la Suède, ce sera au Stade de France, et puis le résultat des autres matchs à la fin des infos. Le policier blessé à Viry-Châtillon, toujours dans un état grave ce matin, l'adjoint de 28 ans a été plongé dans le coma artificiel. Il a été la cible de jets de cocktail Molotov et souffre de graves blessures. Un appel à témoins a été lancé pour retrouver les agresseurs. Le syndicat policier Alliance appelle à une grève du zèle dans l'Essonne. Les gardiens de la peine interviennent que sur demande et pour les urgences les plus graves. Il demande au gouvernement et aux candidats à la présidentielle de tout mettre en œuvre pour disposer de moyens supplémentaires. Un déplacement polémique aujourd'hui. Le ministre de la Santé Marisol Touraine va inaugurer la première salle de shoot à Paris. Elle ouvrira ses portes vendredi dans le 19e arrondissement de la capitale. La France est le 10e pays à mettre en place ce genre de dispositif pour les toxicomanes. Le cauchemar de Samsung qui vit peut-être la pire crise de son histoire. Le géant sud-coréen n'arrive pas à se sortir là de la polémique liée au Galaxy Note 3. Les téléphones sont de véritables bombes. Ils explosent sans raison partout sur la planète. Alors le phénomène est tellement répandu qu'il est possible dans le jeu GTA de jeter un Samsung en fait en guise de grenade. La marque conseille à tous les utilisateurs d'éteindre le téléphone de toute urgence. Plus aucune vente nulle part, aucun échange non plus. Une enquête est en cours, mais pour l'instant très très peu de communication. Le foot comme promis avec les autres résultats d'hier soir. La Suède a dominé la Bulgarie 3 buts à rien. Le Portugal a correctionné les îles Féroé 6-0 avec un triplé de Silva et un but de CR7, même score en faveur de la Belgique contre Gibraltar, avec un nouveau record en Coupe du Monde, le premier but inscrit après moins de 8 secondes de jeu. À suivre aujourd'hui, Allemagne-Irlande du Nord ou encore Slovénie-Angleterre à 20h45. Merci Rémi pour les infos, les premières de la journée. On te retrouve tout à l'heure à 6h30. Ouais. À tout à l'heure et bonjour tout le monde, il est 6h01. Bonjour. Bonjour Romano, bonjour tout le monde. Salle de bain de l'appart. D-Fool. D-Fool. Sous ma douche. Romano. Romano. Et les conseils pas chers. Carriole. Libéré. Délivré. Cédric. Ah bah non, lui, il prend pas de douche. Le morning de D-Fool sur Skyrock. Tu peux couper l'eau, s'il te plaît? Merci. Oui, et bon réveil tout le monde. Bonne journée, bienvenue. On est mardi, on est le 11 octobre. Est-ce que vous avez votre Samsung Galaxy Note? Non. Merde, j'aurais dû l'éteindre. Vous avez entendu cette histoire, c'est fou dans le monde entier. On a l'impression qu'il y a des petits Samsung qui explosent de partout. Donc faites attention aux batteries du Galaxy Note 3. Combien 3, hein. 3 ouais. Le Note 3, ouais. Faites attention. Bon, moi ça va, là pour l'instant je suis en Apple, donc tout va bien. On vous offrira d'ailleurs votre téléphone. C'est Apple chez nous, hein, ça n'explosera pas. Hein. Non. C'est pas tous les téléphones qui explosent, hein. Je rassure Alexandre qui nous a laissé un message, qui se demandait si les autres produits Samsung explosaient. Eh bien non, pas du tout. Ça n'explose pas. Tout à l'heure à gagner, c'est votre iPhone 7 qui en jouera à 7h20, à 8h20, puis à 6h20. Premier rendez-vous sera l'invité mystère. On jouera là pour une console qui n'explose pas non plus. La PS4 c'est Slim. Exactement, la PS4 Slim qu'on va vous offrir. Bon, j'espère que vous allez bien ce matin. Tout va bien, tout va bien. Bon réveil à vous, on va faire un petit point sur les émissions télé depuis la rentrée. Vous savez qu'on en parle régulièrement. Et régulièrement, on fait un point sur les émissions que vous détestez. Eh bien, alors, il y en a une que j'aime pas, mais je voudrais vous en parler. C'est Galaxy Note 7, hein, c'est pas le 3 du tout. Hein. Ah, c'est le 7, malheureux. Ah, Galaxy Note 7. Ah, bah oui. Attends, c'est toi qui fais les infos, tu vois. Non, mais bon. Moi j'avais le 3 donc. Oui mais on branle, mais on fait le vrai qui explose. Parce que si tous ceux qui ont un Galaxy Note 7 sont terrorisés alors qu'ils... Non, c'est le 7 qui explose. Ah, qu'à dire, il explose dans le 3. Ça explose de partout. Bon, qu'est-ce que je vous disais? Oui, les émissions télé que vous ne supportez pas et que vous n'aimez pas. On en parlait l'autre jour et parmi les émissions télé que vous avez citées, que je vous avais citées moi, il y avait Danse avec les stars. Ah bah t'es content, ça redémarre. Et oui, j'ai vu ça, ça redémarre la semaine prochaine. Bon, quand on n'est pas une émission télé, samedi là, hein. Faites comme moi. Ah ouais, ouais. Ah ouais, samedi là, samedi là, samedi là, samedi qui arrive. Ah, très bien. Ah, ils enchaînent, vous avez vu qui, bam, derrière, ils t'achèvent avec Danse avec les stars. Danse avec les stars. Donc ça, c'est un des trucs, je comprends pas que... Ça, c'est hallucinant. Et vous savez que ça marche dans le monde entier. J'étais en Italie, ça cartonne. J'étais en Angleterre, je crois que c'est là que ça a démarré, ça marche. Aux États-Unis, ça marche. Danse avec les stars. Qu'est-ce que vous pensez de Danse avec les stars? Non, je suis pas fan non plus. Ah, toi non plus? Non. Bah, moi, je suis. Et sur un tcha-tcha-tcha, voici Romano qui se prépare pour ses conseils pas chers. Tcha-tcha-tcha. Non, moi, je suis pas dans cette tcha. Bah, moi, écoute, c'est pas l'émission que je déteste le plus, tu vois. C'est vrai. Parce qu'il y a des culs qui se baladent. Ah ouais. Oui, non, mais d'accord, mais bon, non, mais t'imagines la tristesse. Mais tu sais que moi j'aime bien les culs aussi, carriole, mais que bon, j'en trouve ailleurs. Hein, non, non, mais ouais, non, mais je regarde pas pour les culs avec leur habit à paillettes des années 70. Bon. Oui, et sur un tango, voici Romano. Non, non, mais je ne danse pas de tango, monsieur. Là, il est relou, lui. Alors, peut-être il y aura peut-être des stars qui nous donneront envie de regarder ce bordel. Ou peut-être que vous aimez bien. Dites-nous d'ailleurs hein, si vous aimez bien Danser avec les stars et pourquoi, surtout, vous aimez bien Danser avec les stars. Faut que je comprenne. Mais la star la plus connue cette année. Bon, déjà, au moins, il y en a une, parce qu'il y a des années où il n'y en avait pas une connue là-dedans. Oui. C'est Valérie Damido, non? Non, non, non. Il y a également Julien Lepers. Eh oui! Ça? Ah, Julien Lepers! Ah merde! Lui, il va être lourd, il va être lourd! Mais oui! Le G, le U, le L, le I, le N! Julien! Et oui. Tu te fermes sa gueule surtout. Julien Lepers qui arrive. Solidement, qui se contente de danser mais qui ferme sa gueule. Ça va peut-être me donner envie de regarder ce bordel. Ah ouais. Moi je plains le danseur, quoi, la danseuse plutôt, qui va passer la semaine avec lui parce que le mec doit être d'une lourdeur. Donc c'est bien ça, ça démarre samedi prochain ce machin. Vous dites, mais pourquoi Default tu nous parles de ça? Parce que c'est vrai que je vous avais dit l'autre jour, Danse avec les stars, moi c'est pas trop mon truc. Eh bien ce matin il va tenter de nous faire aimer cette nouvelle émission, enfin cette nouvelle série, cette nouvelle saison. C'est Julien. C'est Julien Lepers qu'on va retrouver. Alors lui qui est Julien, du calme, hein. Ah, ça va être pas mal. Cool. Relax. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour. Ah voilà, c'est bien là. Et dans un instant, il réveille la France. Julien Lepers, l'invité mystère un autre, à 6h20, et puis du son pour se réveiller, et puis bien sûr vos chèques de 1 500 euros. Bah, c'est tombé encore hier matin, ils sont même tombés deux fois hier matin pour bien démarrer la semaine. On a offert 1 500 euros. Bah tiens, par exemple, à Flavie, elle était dans la voiture, elle allait voir le match de foot qu'on a gagné 1-0 d'ailleurs, bravo les Bleus. Ouais. Elle allait en Hollande avec son chéri Julien. Écoutez, c'était hier matin dans la voiture, 1500 euros à gagner, c'est peut-être ce qui va vous arriver. Alors on va te poser la question tout de suite, Flavie. Hein. Oui. Ah, ça serait bon de gagner 1500 euros. Ah oui, ça serait bien, oui. Hein. Eh ben, il faut me dire quelle est ta radio préférée, Flavie. Skyrock. Et tu as gagné 1500 euros, Flavie. Ouais, c'est super, merci. Et ouais, elle est canaise, elle était sur la route, et là, elle est en Hollande. C'est bien la vie, hein. Ouais. Et elle a gagné 1500 euros en répondant Skyrock. Inscrivez-vous au 72020 si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Du tuyau qu'on vous donne, vous envoyez 1500 au 72020. Et peut-être qu'on vous tirera au sort dans la matinée. 1500 euros à gagner, premier rendez-vous dans une demi-heure. Bon, après avoir parlé du Galaxy qui explose, de Danse avec les stars qui va exploser TF1 à partir de... Ah, la musique. À partir de samedi. Ah ouais, tout est pourri dans l'émission, même la musique. Danse avec les stars. Les stars, pardon. Les stars, c'est sur le visage de Cédric. Oui, oui, oui. Bon, super. Allez, on y va pour le son de Skyrock, c'est mieux pour se réveiller. Ouais. Ah, le père, s'il est trop vieux pour ce genre d'émission. Ah ouais, il va se faire un truc, il va se casser une jambe. J'espère que ça va aller. Hein. Allez, premier. Il y a déjà eu plus vieux, il y avait une vieille une fois. Hein. Daniel Evenou. Mercadier. Ouais, Marc Mercadier, ouais. Excusez-moi. La meuf, elle avait 80 piges, elle levait une jambe, elle a l'impression qu'elle allait se barrer dans le public. Bon, on en reparle. Tenez le coup, hein. Et dans un instant, le réveil de star avec Julien Lepers. Au moins, ça la pêche, ça. Ouais, c'est clair. Allez, juste après DJ Snake et Justin Bieber qu'on écoute tout de suite, c'est Let Me Love You à 6h07 sur Sky. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Take gold through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Let me love you, Justin Bieber et DJ Snake sur Skyrock avec Mike Posner qui arrive dans un instant. Un bon réveil et une bonne journée à vous. Et un bon Julien Lepers qu'on va retrouver tout de suite. Julien Lepers, l'ami des maisons de retraite. Bonjour Julien. Comment tu vas? Ah mais ça va bien. Lui il est toujours speed, vous avez remarqué. Je sais pas ce qu'il prend au petit déjeuner, mais lui il est speed. Hein. Je sais que tu nous adores. Ah bah ça c'est clair, je t'adore Julien fans. Lepers. Les nouvelles de Julien Lepers, il a disparu de France 3, c'est pas grave, personne regardait. Enfin, il y avait 2-3 maisons de retraite qui regardaient Julien Lepers. Mais il arrive sur TF1. Et vous en avez de la chance, wow. Julien Lepers dans Danse avec les stars. Bien joué. Hey, hey. Deux raisons pour moi de pas regarder le truc. Non mais de toute façon, bah, à mon avis, lui c'est le genre de mec qui va faire une semaine. Tu parlais Romano de la danseuse qui allait se retrouver avec Julien Lepers qui avait pas de chance. Mais imagine le mec qui va se retrouver avec Valérie Damido. Ah ouais. Ah, tu crois qu'il en a de la chance dans Danse avec les stars? Il va se taper Valérie Damido pendant 3 mois. Et hop, il va la faire virevolter quoi. Il va essayer. Non, sinon il va se démonter une épaule, casser la clavicule, enfin des trucs qui peuvent arriver. Faut faire très très attention. Hein. Julien Lepers qui va réveiller les familles de France. Quelque chose vous intéresse de la part de Julien? Je sais pas, rien de spécial. Tu veux pas qu'il te fasse jouer à un jeu, question pour un champion? Ah vas-y, pose une question pour un champion, c'est fini quand même. Mais tu t'es fait virer, Julien. Oui, tu t'es fait virer. Sinon, il avait un cadeau pour toi. Une turlute? Une turlute. Non, merci, ça va. Bah, du coup, on va peut-être passer directement à l'appel. Une petite turlute, non? Calme. L'autre, il est toujours au taquet. On va le retrouver dès 6h11-12 maintenant. Voici le réveil de Star. Les stars réveillent la France. Oh là là, il est beau ce match. Il est beau, je l'aime, mon jeu. Il est beau, mon jeu. C'est le réveil de Star sur Skyrock. Tu l'as piqué ton jeu, mon ami. Julien Lepers qui réveille les familles de France. On va voir si elles le reconnaissent, parce que les familles doivent connaître Julien Lepers. Oui, non, c'est une star. Arnaud et la famille. Allô? C'est la femme d'Arnaud. Je n'entends pas. Hein? Oui, attends, j'entends rien parce que Arnaud met la musique dans la douche, j'entends rien. Attends, mais c'est quoi? Mais c'est quoi ce délire? Attends, je ferme la porte, j'entends rien. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. C'est qui? C'est Marie-Noël. Comment tu vas? Ouais, ça va bien, oui. J'ai des questions pour vous. Oui. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Bah non, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de ballon dans question pour un champion. Ah. Oh! Pour moi, c'est Arnaud. On ne souffle pas, on ne dit rien. Attention. Bah moi, je le regarde pas trop, à mon sens. C'est quoi ce délire? Et je te passe Arnaud. C'est Arnaud. C'est Arnaud. Arnaud. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va? Je sais que tu nous adores. Ouais, et vous êtes qui? Le J, le U, le L, le I, le N. Julien! Oui. Julien? J'ai des questions pour vous. Oui, bah je t'écoute, ouais. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Il n'y a pas de ballon dans question pour un champion? Non, pas du tout. Je regarde pas de son question pour un champion, je regarde jamais. Julien Lepers! Ah, d'accord. Ah, c'est lui! Question pour un champion, ça m'appartient! Ah bon? Ah oui. Donc tu gagnes du pognon alors? Mon cul! Ah bon? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Rien du tout. Non, même pas. J'aimerais bien. Ah bon? Bah ouais! Bah tu vas voir une dame qui s'occupe de ça, puis elle va t'arranger ça. Miam miam miam! Ah voilà! Je me mets à genoux devant toi. Non, bah, ouais, tu peux t'amuser, tout seul. J'aime bien quand on me flatte. Ah non, j'arrive pas, moi. Mais là, je m'aime beaucoup, j'ai envie de m'embrasser, là. Oh, tu me casses les couilles, toi. Pas m'emmerder. Ouais, bah moi non plus. D'ailleurs, je te coupe, là. Et voilà. J'appelle les flics tout de suite. Voilà, tu appelles qui tu oui, veux. C'est bien. Bah, mais tu dis pas que tu es passé sur Skyrock, hein, Julien Lepers, c'est bien. Pourquoi tu t'es mis à genoux? Une turlute. Ah non, pas de turlute. On se fait calme. Merci, bientôt donc dans Danse avec les stars, Julien Lepers. Bah dès samedi, ouais. Ça promet cette histoire, tiens. Il est 6h14, dans un instant, on va retrouver un invité mystère. Et vous allez gagner votre iPhone, non, l'iPhone c'est tout à l'heure, vous allez gagner votre PS4 Slim. La nouvelle, elle est à choper juste après Mike Posner sur Sky. Les stars réveillent la France. Le J, le U, le L, le I, le N. Julien! Ouais! C'est le réveil de Star sur Skyrock. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my own eternal skyrock. I hope you hear my song. Yeah, I hope they don't think that they're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler than me. This is Mike Posner on Skyrock. Exclusive. your highbrow, switching your walk. If you don't even look when you pass by, but you don't know the way that you look when your steps make that much noise. I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen behind your makeup. Nobody knows who you even are. Who do you think that you are? 'Cause it sure seems you got no doubt. But we all see you got your head in the clouds. Could write you a song to make you fall in love. I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. You turn on the skylight. I hope you hear my song. Yeah, I hope they don't think that they're cooler than me. Sur Skyrock dans le morning, c'était Cooler Than Me pour se réveiller à 6h18. On va écouter le groupe de Nekfeu là dans un instant avec Escrew. Ah, mais le coco et on démarre. J'aime bien ça. Mais le coco et on démarre. Eh ben oui, c'est bien d'avoir du coco pour faire rouler la voiture. Hein. Et Drake a écouté avant 6h30 et Drake sera en concert avec Skyrock les 12 et 13 mars prochains. Ouais. Concert Skyrock à Paris, à pas louper. Drake a choisi Sky et Sky a choisi Drake. Bah écoutez, tout va bien. C'est une belle histoire d'amour entre nous. Ouais. Drake, qu'on écoutera avec One Dance avant 6h30 et à 6h18. C'est l'heure de découvrir notre premier invité mystère de la matinée. L'invité mystère, vous le découvrez, vous gagnez votre console, la PS4 Slim. On vous la file en attendant la Pro qui va sortir en novembre. Ouais. C'est-à-dire dans un mois, puisqu'on est le 11 octobre. Bravo, Diffoul. Eh oui, quel beau calcul mental. Mais allez. Tu es calendrier, non? Je suis un génie. Ça, c'est tout ça, simplement. Tout simplement. Et très, très, très modeste aussi. Ouais, c'est ça. Allez, on y va. Invité mystère, le premier de la journée. La première console à choper, c'est pour vous. L'invité mystère. Oui, l'invité mystère de ce matin, écoutez bien sa voix, tu es là? Je suis là, Ro. Oh, il est là, Ro, c'est mon Ro. Il est venu d'ailleurs dans l'émission, il était venu dans le morning, notre ouais, il était venu, ouais. C'est vrai, ouais. C'est lui. Et il avait bien rigolé dans le morning. Bon, un petit indice, sa région. Je suis très content d'être nordiste. Il est nordiste. Ouais. Si vous êtes nordiste. Nordiste. Si vous êtes nordiste. C'est bien, il rajoute des lettres. Vous êtes un petit peu avantagé. Lui, au Scrabble, il te nique, hein, parce que ah ouais, mais il rajoute des trucs de ouf. Nordistre. Ouais. C'est qui notre nordistre? On va parler de lui, on va voir qu'est-ce que ça fait de recevoir notre invité mystère, star du football. Allez, petit indice supplémentaire que je vous donne comme ça, football. Star du football dans son hôtel. Vous allez tout savoir d'ici quelques instants. On a chopé ça sur les réseaux sociaux d'un rappeur. C'est ça. Qui était avec lui ce week-end. On en reparle tout de suite. D'abord, il nous faut son nom. Vous avez son nom, allez-y. C'est pas Black M, non. C'est un footballeur, je vous ai dit. Attention, pas Black M. C'est pas Mysterio non plus. Non. On est dans le football. Allez, il était pas sur le terrain de l'équipe de France de foot hier. Je dis ça pour ceux qui nous disent c'est Blaise Matuidi, c'est pas Matuidi. Allez, réponse très vite et puis dans un instant on le retrouve. Et comment ça fait de le recevoir dans son hôtel? Vous saurez tout dans le morning sur Skyrock, il est 6h20. Et bonne chance à vous, 41-759 et appelez Skyrock pour envoyer vos messages, allez-y. La saga des places de concert continue sur Skyrock. Je suis dans ma paranoïa. Après Maître Gims et Soprano. C'est Soprano. Skyrock t'offre les 4 concerts de Jul. Tout sur Skyrock. Jul en concert Skyrock à Marseille, Amnéville, Nantes et Paris. Jul en concert avec Skyrock. Et écoute Skyrock toute la journée. Ouais, Skyrock. Et envoie roulette par SMS au 72020 pour gagner Jul en concert dans la ville de ton choix. Je suis fier de mon parcours, je suis pas le brigandé. 200 places de concert Jul sur Skyrock. Vous déchirez, merci beaucoup. Skyrock. Premier sur le rap de Jul. 65 centimes plus coût du SMS. Quand on aime, on ne compte pas. Mais avec Miniservice, quand on aime, on compte. On compte sur le savoir-faire des experts, on compte sur la qualité des pièces et grâce à des prix bas, on compte les économies réalisées. Et ça compte, non?

9h, c'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Bon, on en a bien démarré, hein. Depuis 6h, on est là sur Skyrock et on va parler d'une bande de potes maintenant. Et de deux potes, un footballeur et un rappeur. Le footballeur, c'est notre invité mystère. Je suis là, Ro. Il est là, le Ro. Ouais, Ro. Qui est notre Ro ce matin? On vous a donné un petit indice. Je suis très content d'être nordiste. Il est content d'être nordiste. Ouais, de toute façon, il n'a pas le choix, hein. Il est nordiste, c'est comme ça. Hein. Ouais, la vie, ouais. Nordiste, il est nordiste. Alors, vous nous avez proposé Pogba. Il n'est pas nordiste, Pogba. Ah non, il n'est pas nordiste. Et non, c'est pas 7-7. Et en plus, on vous a dit, c'est un joueur de foot qui n'était pas sur le terrain hier lors du match des Bleus de l'équipe de France qu'on a gagné. Il ne sera plus d'ailleurs, hein, je crois. Et qui non, sera il a plus, pris sa retraite, ouais. Après, il n'y sera plus, l'invité mystère. Fini l'équipe de France. Bon, en tout cas, ça n'entame pas sa bonne humeur, vous allez voir ça. On va le retrouver à l'hôtel avec son pote. Mais avant ça, il y a Johan qui va nous dire, mais qui est donc notre invité mystère du football de ce matin, du morning de Skyrock? Salut, Johan. Salut toute l'équipe, comment vous allez? Salut, Johan. T'as 26 ans, t'es à Châlons-Champagne, et t'es surtout là avec la bonne réponse. Qui est notre invité mystère? C'est ça, c'est Franck Ribéry. Et... ouais, très bien. Très bien, c'est gagné. Eh ouais, c'est notre beau gosse. La PS4 Slim, elle est pour toi. Bien joué. Merci, Johan. Est-ce que tu savais que c'était le pote de Gradur? Ils sont tous les deux du Nord, tu vas me dire. Hein. Ouais, j'ai dit. Et puis il a pas tourné dans des clips avec lui? Si, il est dans les clips de Gradur aussi. Franck Ribéry. Ouais, Francky. Il a forme. Ça, c'est Franck Ribéry quand vous l'avez à l'hôtel. Ils étaient dans un hôtel tous les deux à Paris ce week-end. Et ça fait du bruit, un Ribéry et un Gradur ensemble quand même. Ouais. Là, il rentre à l'hôtel, tranquille. Ouh là là, mais t'es sapé comme jamais. Waouh, beau gosse, dites donc, bien habillé, Louboutin, tout ça. Chauffez le Louboutin, frérot. Chauffez le Louboutin. Aïe. Vous imaginez ça, vous dormez dans la chambre à côté et vous avez Gradur et Ribéry qui sont là. Chauffez les Louboutins. Aïe. Moi je suis nordiste. Et il est nordiste, oui. Bon. Je suis un beau gosse. Oui, beau gosse. Non. Beau gosse Franck Ribéry, mais oui. Dans l'ascenseur, pareil, quelques petits problèmes dans l'ascenseur, ils ont déclenché l'alarme a priori. Ah, ils fument dans l'ascenseur. Ils fument dans l'ascenseur. Bah oui, après tu déclenches l'alarme. Bah oui. Dans l'ascenseur. Mais c'est Ribéry qui fume. Non, c'était un pote, je crois. Ah, c'est un pote, ouais. C'est un pote qui était avec eux. Ah, non, parce que je suis un beau gosse. Oui, beau gosse. Et alors, il était 8h du matin quand ils sont rentrés se coucher quand même. Ah ouais, c'est tard. Oui, et ça dépend de quel côté on se place. Ouais, c'est vrai. Un dimanche matin, c'est tôt, mais c'est tard aussi. Pour un samedi soir. Et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire à 8h du matin? Dormir? Sans doute. Mais non. Bonne nuit, 8h du matin. See you tomorrow. Viens, on va faire un FIFA. Va dormir, gitan. Viens, on va faire un FIFA. Bon, il y a Gradur, il a moins envie d'aller dormir. Hein, quand ouais, même. Non. Ah non. Ça donc. Dans les couloirs de l'hôtel. Sympa. Pas discret. Mal. Oui, discret. Bon, t'es content, tu vois des stars. Bon, après, ils te font chier parce qu'ils te réveillent. Ouais, c'est clair. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont de bonne humeur, au moins. Merci Franck Ribéry, merci. Et Gradur. Gradur. Ça c'est Gradur, rire, le rire, ouais. Gradur et Franck Ribéry. Gradur que vous écoutez d'ailleurs sur Sky, il tourne actuellement avec le morceau de Sadek. Ouais, super ouais, morceau. Andale. Et hop là, une PS4 Slim pour Johan à Châlons-Champagne. Ouais. Bonne journée Yo-Yo. Eh ben merci à vous aussi, puis continuez comme ça les gars, vous assurez. Bah merci à toi, bosse bien, bon courage. Bon courage à vous si vous réveillez, si vous allez taffer aussi ce matin. Allez hop, un tour sous la douche, ça peut servir. Un tour de la cuisine, ça peut servir aussi. Et puis branchez vos téléphones, ça aussi c'est important. Aussi important que de se laver, que de manger le matin. Répondre Skyrock pour gagner 1 500 euros. C'est ce qui va se passer juste après Drake en concert avec Skyrock, on vous l'a appris hier. Ouais. Les places sont en vente déjà pour le 13, pour le 12 aussi, au mois de mars de l'année prochaine. Concert Skyrock à Paris, Drake a choisi Sky à Paris. Et on l'écoute avec One Dance. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Cause if you're down. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Drake en concert avec Skyrock l'année prochaine. À ne pas louper, on en reparlera. On vous offrira des places aussi pour la tournée de Drake. Aujourd'hui, c'est les places pour la tournée de Jul que vous gagnez. Jul en concert avec Skyrock et en tournée. Lui aussi pour ses premiers concerts. Ouais, c'est vrai. Et c'est avec Skyrock. Et c'est avec Sky et vous gagnerez ça tout à l'heure, avant 9h et tout au long de la journée avec toute l'équipe jusqu'à la radio libre de ce soir. Hein. Vous chopez du Jul ce matin. Qu'est-ce qu'on va écouter de bien ce matin? Ah, Designer qui arrive dans un instant pour Panda. On écoutera les 21 Pilots pour Ride. Il y aura du Major Laser aussi tout à l'heure, du Soprano. Ouais, Soprano invité de Planète Rap cette semaine pour son nouvel album, ouais. Coupez pas. Hein. C'est à 20h ce soir. Putain, il y a plein de rendez-vous aujourd'hui. Et puis un rendez-vous qui est juste derrière les infos. C'est le rendez-vous avec les 1500 euros. J'ai l'enveloppe, elle est là. 1500 euros à gagner. C'est pour vous, c'est pour nous réveiller tous les matins. On va passer un petit coup de fil. Allez, après Rémi et les infos, puisqu'il est l'heure maintenant, 6h32. L'heure du point sur l'actu. C'est parti. La météo. Eh ben, il fait froid ce matin. Ça change. Ouais, c'est vrai, c'est un temps automnal. Les températures ce matin comprises entre 0 et 12 degrés, 5 seulement en région parisienne, de 10 à 16 cet après-midi et jusqu'à 18-20 dans le sud. Bon, ça va quand même dans le sud, c'est plutôt pas mal. Ouais, 18-20, ça va. C'est pas mal, ouais. Côté ciel, c'est automnal. Frais donc, sec, hormis sur la Côte d'Azur et sur la Corse où des averses sont prévues. Partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies avec un soleil bien visible, même si ça reste couvert ce matin en Île-de-France, dans le centre et sur le nord-est. Et puis la pollution, ça reste acceptable. Les indices compris partout entre 2 et 4, ça monte à 5 à Paris, Lille, Rouen et Poitiers. Bon, on va parler plein de choses avant 9h. On vous offre 1500 euros dans un instant. Les conseils pas chers arrivent à 6h40. C'est toi qui t'en occupes, Romano. Et on fera notre sondage du morning sur les vêtements au bahut qui posent des problèmes. Parce que ça, c'est à fond dans l'actu. C'est vrai que ça occupe pas mal de monde. Hier, tu nous en parlais, Rémi. Aujourd'hui, ouais. Sondage du jour. Mais d'abord, les infos. Les infos avec le policier blessé à Viry-Châtillon, toujours dans un état grave ce matin. L'adjoint de 28 ans a été plongé dans le coma artificiel. Il a été la cible de jets de cocktails Molotov et souffre de graves brûlures. Un appel à témoins a été lancé pour retrouver les agresseurs. Le syndicat policier Alliance appelle à une grève du zèle dans l'Essonne. Les gardiens de la peine interviennent que sur demande et pour les urgences les plus graves. Ils demandent au gouvernement et aux candidats à la présidentielle de tout mettre en œuvre pour disposer de moyens supplémentaires. Des consommateurs qui ne s'y retrouvent plus et les buralistes un petit peu perdus. Les premiers paquets neutres arrivent au compte-gouttes là dans les bureaux de tabac. On estime que 10% des paquets actuels sont ouverts aux livres et dépourvus de logos et de marques. Ils peuvent être vendus depuis le 20 mai dernier après un bras de fer qui a duré 4 ans entre le gouvernement, les cigarettiers et les buralistes. Une mère et ses 3 enfants interpellés à l'aéroport de Roissy. La famille avait quitté l'Isère en 2014 pour rejoindre la Syrie. Le père qui était apparemment parti faire le djihad serait mort l'an dernier. La mère est toujours entendue ce matin. Elle a été expulsée depuis la Turquie. La France qui vole au secours d'Haïti. La situation sur place est dramatique après le passage de l'ouragan Matthew. Le dernier bilan, toujours provisoire, fait état de plus de 1000 morts. 2 avions vont décoller aujourd'hui en direction de Port-au-Prince. L'un d'eux contient 68 tonnes de matériel, notamment pour purifier l'eau sur place. On parle football maintenant avec le match des Bleus et Pogboum qui a sauvé les Bleus. Boum. Ouais, c'est vrai, match moyen, mais succès à la clé contre les Pays-Bas. On retiendra que ça. Les Bleus ont été chercher la victoire à Amsterdam et prennent la tête du groupe ex-aequo du groupe A avec la Suède en vue du Mondial 2018. Score final à 1-0. Magnifique but de Pogba à la 30e minute après une frappe puissante à l'extérieur de la surface. Voilà qui redonne de la confiance au Mancunien qui avait été pas mal critiqué après sa prestation très moyenne face à la Bulgarie. En attaque, bon bah voilà, un duo GG Griezmann-Gamero plutôt sympa, un peu moins fluide que contre la Bulgarie, mais sympathique à regarder. En tout cas, Didier Deschamps a encore jusqu'au 11 novembre pour peaufiner ses derniers réglages. Le prochain match sera contre la Suède au Stade de France. Et puis, rien à voir avec le sport. Mais vous savez, on a plein de petits défauts au bureau. Il y a un sondage assez c'est marrant, qui est sorti avec les défauts qui nous énervent le plus. On en parlera tout à l'heure à 7h. Très bien, bah, t'auras ton sondage à toi aussi. Ah, voilà, bon. Double sondage du morning, le sondage de Rémi à 7h et à 7h-5, on s'occupera des vêtements qui posent des problèmes au bahut. Oui, on en parle beaucoup dans les bahuts actuellement. C'est ouais, allez, ça fait scandale. Ah bah jogging. Ça fait scandale, ah, bah, le jogging, oui, tu nous disais ça hier matin. Bon allez, on y revient avant 7h et puis bah tout de suite, les 1500 euros à gagner, c'est pour vous, c'est sur Skyrock dans le morning. La nuit a été courte, la journée sera moins longue avec le morning de Diffoul sur Skyrock. Et la journée démarre bien, j'ai l'enveloppe, je l'ouvre tout de suite, comme ça je vais vous dire où est-ce qu'on va aller, on va vous offrir de l'argent. Tout de suite, 1500 euros à gagner, c'est toutes les demi-heures, tous les matins sur Skyrock, toutes les demi-heures et on continue jusqu'à la fin du mois d'octobre, parce que d'habitude c'est toutes les heures 1500 euros. Hein. Ouais. Profitez, prévenez toute la famille, dites-le à tout le monde, 1500 euros à gagner. Puis n'hésitez pas à vous inscrire pour augmenter vos chances de gagner, vous allez vous envoyer directement 1500 sur le 7-20-20. C'est 7-20-20. Au 7-20-20, vous envoyez ça et vous augmentez vos chances de gagner. Je sais où on va aller, c'est un rapport avec un des membres de l'équipe que je ne citerai pas. C'est une région qui a un rapport avec un des membres de l'équipe. Ah, on va à Vernon, aux États-Unis. Oh, il y a Vernon. Vernon, chez Rémi. La ville de Rémi qui se prend pour un Américain, c'est Vernon. L'Américain de Normandie. Ouais. Non, on n'ira pas à Vernon. Oh. Ah, vous allez voir. Romano, tes conseils pas chers, on fait quoi? On va faire de la cuisine. Ce matin, je vais donner des cours de cuisine. Bien. C'est bien ça. Ah ouais, waouh. C'est marrant, on parlait de cours de danse tout à l'heure avec Danse avec les stars, là. Tiens, est-ce que vous savez cuisiner? Bah, toi, dis fou, Léna. Ouais, bah ouais. Il a appris, je fais des bêtes de plat, du coup. Bah, des bêtes de plat picard, ouais. Il est trop fort. Il arrive à enlever la pellicule. Dites-nous, qu'est-ce que vous savez faire en cuisine? Moi, je sais faire plein de trucs. Non, mais tu sais rien faire. Je sais faire une petite poêlée de légumes. J'utilise mon blender pour faire des jus, par exemple. Blender. Ouais, bah, ça, c'est pas un truc de ouf. Moi aussi, je sais faire des jus. Des fois, Cariole, elle m'appelle, elle me dit, faut mixer la soupe. Je lui dis, ah, je suis pas DJ. Trop drôle. Bon, dites-nous si vous avez un petit plat que vous savez faire. Les gars, les filles, n'importe quel âge, vous nous faites signe. Qu'est-ce que vous savez cuisiner? Quel plat? En plus, pour draguer, savoir cuisiner, je vous assure, les mecs, c'est un truc exceptionnel. Ah ouais, les filles craquent quand elles te voient en train de cuisiner. Ah ouais. Ou quand tu leur ramènes un truc que tu as fait toi-même en l'achetant chez le traiteur. Non, mais quand tu lui amènes un truc que t'as fait avec tes mains, elle est touchée. Ça s'assure, Romano. Ah, mais moi, attention, quand elle veut pas faire à bouffer, je l'invite au resto. Et c'est elle qui paye. Et c'est elle qui paye. C'est ça, ouais. Ah, c'est pour ça que. C'est un peu ça. Et c'est pour ça qu'elle fait à manger à la maison. C'est pour ça, ouais. Bon, on en reparle tout de suite. Non, mais elle a une belle cuisine, hein, Cariole. Hein, j'ai la gâtée, hein, tout refait, ouais. J'ai mis le paquet. Hein. Comment gagner de l'argent grâce à la cuisine ce matin? Et bon appétit si vous êtes en train de déjeuner, là, ce matin. C'est ma mère qui fait tout à la maison. Ah, bah tiens, c'est David qui nous envoie le message. Eh ben, bonjour à maman. Salut, David. C'est où ta mère, ou ta meuf. Regardez, il y a Quentin qui nous envoie un message. Lui, c'est sa meuf qui cuisine à la maison. Parce que moi, je fais tout griller, je sais rien faire. Je suis un gros naze. Oh, faut pas dire ça. Non, mais t'as d'autres trucs. Ouais, t'as d'autres qualités, j'espère. Ah, moi, ma spécialité, c'est le roast beef sauce au cèpe. Mmh. Ah, tu vois, c'est un mec qui sait cuisiner. Nialis. Bonjour, ouais, Nialis. Non, mais de toute façon, les plus grands chefs, c'est des mecs. C'est vrai. Diffoul, oui. J'ai faim. Oui, oh, mais écoute, va manger un petit écolier, j'en ai fabriqué cette nuit spécialement pour toi. Super bon, chocolat au lait. Il a même fabriqué la boîte qui va avec. Ah ouais, j'ai tout fait. Il a galéré. Bon, allez, 1500 euros. Romano, on va en Bourgogne ce matin. Ah, cool. Ah. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning show. Regarde les mecs qui savent cuisiner, Cariole. Ils sont bien les auditeurs de Sky. Hein. Karim qui cuisine, Nictas qui cuisine aussi, et les 1500 euros à gagner. Et direction la Bourgogne, je vous disais. Alors, oui. Tu connais Quetigny? Ouais, c'est à côté de Dijon. Et ben voilà, c'est là qu'on va. On va à Quetigny dans le 21 en Côte d'Or, à côté de Dijon. Et on a tiré la famille Zbaï. Zbaï. Zbaï. C'est Mohamed Zbaï qu'on a tiré. Et on va lui demander quelle est sa radio préférée. Il faut répondre Skyrock. Et quand vous répondez Skyrock, vous gagnez 1500 euros. Allez, Momo. Allez, les Zbaï. C'est Mohamed Zbaï. On est à la cinquième sonnerie qui arrive, là. Allez, Momo. Et non. Ou la famille. Et non, Momo, malheureux. Ah, j'en laisse une sixième parce que je suis sympa et que c'est un bourguignon, hein. Et que j'ai un bourguignon dans mon entourage. Bourguignon. Désolé pour Mohamed Zbaï. Il ne gagne pas les 1500 euros. Enfin, Dieu. Ouais, bah, value, comme on dit en Bourgogne. Pour gagner 1500 euros, bah, il faut faire comme Yacine. Lui, il a gagné hier matin à Orléans. Il s'est même réveillé avec Skyrock, écoutez. Ouais. Dis-moi, quelle est ta radio préférée, Yacine? Skyrock. Allez, c'est gagné, Yacine. Bravo, Yacine. Bravo. C'est cool de nous écouter le matin. Et bah, c'est cool de gagner aussi 1500 euros. T'as gagné, Yacine, ça y est. Eh ben, ça fait plaisir. Et après, l'équipe fait Ouais. Et là, c'est designer Panda. Juste avant vos conseils pas chers. Et là, je fais bra. Et on fait bra. J'ai pas parlé de l'horoscope de l'amour. Il y a Kevin qui veut son horoscope. Il arrive aussi, hein. T'auras tout ça. Horoscope de l'amour, le sondage du morning et vos conseils pas chers. Juste après. Panda Panda sur Skyrock. I got bribes in Atlanta, just to be in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacies, family, way and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for granted. Then the bullet, you ban it, hope you killers understand it. I got broads in Atlanta, twisted to be in the family. Credit cards in the scammers, hitting the loose in the van. Legacy, family, way see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, way see, family. Packers full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for granted. Then the bullet, you ban it, hope you killers understand it. Hey! Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, twisted to lean and shoot, sipping Fanta. Credit cards in the scammers, wake up beside the shoe, let designer, over to Lattie shoot. They be acting rats, I know we clap shoot. I be pulling my stuff in the finest shoe. I got plenty just stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. Black and six, Fanta, why is he killing no comma? Pop a perk, I got signing gorilla, they come and kill you with bananas. For feelers, I feel it, pull up in the finest, no niggas, they come and kill you on the comma. Paroli is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but bully, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, just count for digits, say you make you a lot of new money. No killers, pull up in the inner baby, CTD. Diddy pull off in the killer, baby. Call a feeling, feel like I'm feeling, baby. Lips up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning it. Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business. In the rave, doing the fooling, I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, twisted to lean the fan. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, fan. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, fan. Why is it panda? Packers full, Danny, selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then nigga pull up your banner. Hope you killers understand me. Designer sur Skyrock, un gros son US, une grosse découverte de cette année d'ailleurs, hein. Découverte sur Skyrock, Designer, c'était Panda. Il est 6h44, bonne journée, bon réveil à vous et conseil pas cher tout de suite sur Skyrock. La cuisine. La cuisine, ça peut permettre de gagner de l'argent et je suis content de voir tous les messages que vous envoyez, hein. Est-ce que tu veux que Tatane te fasse des crêpes, Romano? Ah non, les crêpes, j'ai arrêté. Depuis l'intoxication alimentaire. Depuis que t'as mangé tes magnifiques crêpes, à quoi elles étaient? C'était au Nutella, mais le Nutella avait tourné. Moi, je vous le dis, bon là ça va se calmer, mais le Nutella en plein soleil l'été, c'est pas bon. Bah, la crêpe aussi, hein. Le pot ouvert, c'est pas bon. Elle a raison, Cariole, la pâte à crêpes en particulier, bah oui, c'est même pire. Non, mais je pense que tout était flingué. Alors je fais des cakes salés, des gâteaux, nous dit Pierre. Il y a plein de mecs qui cuisinent. Ah bah j'aime pas les cakes, ça m'étouffe. Ah bah t'es relou. Oh, le relou, hein. On lui propose, Tatane te propose des crêpes, t'en veux pas. Pierre te propose des cakes salés et des gâteaux, t'en veux pas. Un bon colombo de poulet nous propose Lucie Jade. Ah ouais, c'est bon, ça c'est bon ça. Un colombo de poulet, c'est pas mal. Karim, tu sais ce que c'est un colombo? C'est l'autre à la télé là. C'est l'autre à la télé. C'est l'inspecteur. C'est l'inspecteur. Pas professeur. C'est professeur Tournesol. Voilà. Professeur Tournesol, inspecteur Colombo. Mais c'est pas du tout dans le même truc. Non, ça se mange pas un inspecteur Colombo. Hein. Moi je cuisine tout pour les mariages. J'ai déjà fait de la bouffe pour 300 personnes. Karim qui cuisine. Bon, moi je me limite au café au lait pour Yanzo. C'est ma mère qui fait tout. On a eu un nombre de messages. Il y a Sylvia là qui nous a laissé un message avec sa mère qui fait tout à la maison pour elle et ses trois frères et sœurs. Eh bien, bon courage à la maman qui nous écoute ce matin. Bah oui, bon courage. 4 petits déjeuners à préparer ce matin. 4. Ouais, ouais. 1, 2, 3, 4. Il y a calmousse aussi, un tagine. Ça, c'est trop bon, ça. Ouais, il y a riz cantonais fait maison. C'est bon. Tiens, un tagine fondu au poireau, noix Saint-Jacques, sont mes spécialités pour Mona. C'est un mec encore. Ça, ça a l'air bon, la fondue de poireau. Mona Ryu. Putain, vous me donnez envie de manger. Hein. Mais grave. Je suis chef cuisinier et pâtisserie, donc je maîtrise le sujet. C'est au top pour impressionner les meufs. Je vous le disais, ça. C'est Tom Le Fou, il a 23 ans. Et lui, il impressionne les meufs. Mais qu'est-ce avec sa que t'impressionnes, dit Fou, en sortant un plat picard? Eh bien, les filles. Mais laisse-le, le pauvre. Dites-nous si ça vous fait pas plaisir qu'un mec vous fasse à bouffer. Un plat picard. Et si ça vous excite pas au niveau des organes. Ah, mais complètement. Je parle bien sûr du cœur. Hein. Bien sûr. Le cariole est liquide. Oui, au niveau du cœur. Le cœur bat très vite. Bon, et Romano, c'est quoi tes conseils pas chers? Ce matin, je vais donner des cours de cuisine. 7 Français sur 10 aiment faire la cuisine. Ah ouais? 1 Français sur 7 a déjà suivi un cours de cuisine. Hein? Bon. Ah ouais, c'est beaucoup quand beaucoup, même. Hein. Putain, bah, depuis que j'ai arrêté le bahut, j'arrête les cours. Bah alors, il y a eu même un de cuisine. Il y a eu un sondage de fait sur les plats préférés des moins de 35 ans. C'est ou des 35-64, vous voulez quoi? Les moins de 35. Alors, numéro 4ème ex aequo, le steak frites et les plateaux de fruits de mer. Ouais. 3ème, la tartiflette. Ouais. 2ème, les lasagnes et le plat préféré des moins de 35 ans, le magret de canard. Hein? C'est encore un sondage à la con, ça. Totalement d'accord. Parce que moi, tu me demandes mon plat préféré, je te dis pizza, pâtes, hamburger, steak frites, hamburger, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, pizza. Non, ouais. Mais magret de canard, c'est bon, mais je sais pas que. Numéro 1. C'est le sondage qui a été fait pour BVA par les producteurs de magret de canard. Ah, ils te demandent bien. Ah, bah oui, on comprend mieux. Ah, bah on a pigé alors. Bon, allez, conseil pas cher. Monsieur Poubelle a inventé la poubelle. Thomas Edison a inventé l'ampoule électrique. Les conseils pas chers, c'est Romano. C'est lui qui les a inventés. C'est moi qui les fait. Eh ouais, c'est les siens, à lui les conseils pas chers. Bon, ce matin, je suis chef cuisinier. T'es un peu Cyril Lignac. C'est ça. C'est ça. Ou Joël Robuchon, les plus grands, tout. Bernard Lazou, casse. Bernard Lazou, il est mort. Ah merde. Petit con Karim. Ta mère de mec en site 1, c'est déjà c'est hallucinant qu'ils connaissent Bernard Loiseau. C'est clair, vraiment, ouais. Ça me met sur le cul, mais en plus, bon, pas de chance, sur le coup. Quelle culture. Allez, ah bah ça. Allô. Oui. Bonjour madame, c'est la femme. C'est Claude. C'est la femme à Claude. Oui. Oui. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, Monsieur Lapince, chef Lapince à l'appareil. Je suis chef cuisinier et je dois venir vous donner un petit cours de cuisine ce matin là. Ça va pas, non? Ah bah si, ça va, parce que la dernière fois, je suis passé devant chez vous. Mais vous cuisinez quoi? Parce que ça a dégagé une odeur, mais très nauséabonde. Mais ça va pas, non? Ah bah si, ça va, mais à mon avis, madame, il ne faut pas cuisiner votre caca, hein. Parce que ça sentait comme ça l'autre fois. C'est une connerie. Ah non, pas du tout, madame. Il faut pas cuisiner votre caca. N'importe quoi. Mais non, mais je vous assure, ça sentait ça. Oh là là. Bah c'est Jean-Noël, gros. Jean-Noël. Ah oui, c'est pareil. Allô. Oui, bonjour, c'est la femme à Jean-Noël. Oui, c'est pourquoi. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Chef Lapince, je suis chef cuisinier et je dois venir vous donner un petit cours de cuisine parce que Joël s'est plaint de votre cuisine, a priori, relative... Attendez, vous parlez de quoi, là? Déjà, vous appelez à 6h30, vous êtes chez un particulier, donc je ne vois pas du tout le... Alors, moi, je vous explique. Joël m'a contacté parce qu'a priori, ce que lui... Quel Joël? C'est pas Joël? Jean-Noël. Jean-Noël, pardon, Jean-Noël. C'est bien votre époux, Jean-Noël? C'est mon époux, oui. Oui, Jean-Noël m'a contacté parce qu'a priori, ce que vous lui faites à manger, c'est ignoble. Ça lui convient plus. Vous êtes qui, là? Madame, je suis chef cuisinier 4 étoiles. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, si. Moi, je suis vice-présidente de la République aussi. Bonjour, bonjour, mais, madame. Mais respect. Mais respect. Ah bon, Madame Hollande, pardon. C'est la femme de Jean-Noël. Ouais, c'est ça. Bon, alors, il faudrait arrêter de cuisiner des trucs pas bons, donc je vais mieux taper. Ouais, c'est ça, faudra arrêter de cuisiner des trucs pas bons, et puis quoi encore? Ah bah, on appelle les gens à 6h30 du matin, là, pour raconter des conneries comme ça? Ah bah, Jean-Noël se plaint continuellement, le pauvre, il est malade. Ouais, mais laissez Jean-Noël où il est, là, parce que... J'ai des enregistrements, écoutez-le. Là, il vomit. N'importe quoi. Là, il est malade. Bon, c'est quoi ces conneries, là? Il est malade. Venez le dire en face, là. Ah bah, je vais venir, puis en même temps, vous me sortez les gamelles, et puis on va commencer le cours. Ouais, bah, vous êtes que de la mal tournée, bah, vous venez. Eh bah, 150 euros, c'est de l'heure. Ouais, c'est ça. Allez, va te faire foutre. Eh bien, je te dis à tout de suite. Et merci. Et merci beaucoup. Tu l'as pas remercié. Heureusement que j'étais là pour la remercier. Mais j'ai même pas eu le temps. Mais va te faire foutre. Bah, voilà. Tu t'es compris. Hein. Dans une minute. Elle va prendre la tête à son mari, alors comme ça, je cuisine de la bière. Ah oui, c'est possible. Dommage qu'on ait pas la suite des épisodes. Ouais, c'est clair. Dommage, ouais. Dans un instant, l'horoscope de l'amour. Dans une minute, il arrive votre horoscope et le sondage du jour. C'est un sondage du jour qui concerne les fringues que vous allez mettre ce matin. Si vous allez au bahut. Ah oui. Quels sont les fringues qui posent un problème au bahut? On s'en occupe tout de suite. En tout cas, avant 7h, il est 6h50 sur Sky. Et si on profitait encore plus du réseau mobile numéro 1? Moi, chez Orange, j'ai un forfait mobile Play à 14,99€ pendant 12 mois, puis 24,99€. Et moi, chez Orange, j'ai 20 gigas avec mon forfait. Moi, chez Orange, je profite des 20 gigas sur le réseau mobile numéro 1. Pour une fois que t'es premier quelque part. Avec Orange, profitez de 20 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tarif réservé aux clients open jusqu'au 16 novembre en métropole avec portabilité du numéro et engagement 12 mois. Conditions et coupons de remboursement sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquête ARCEP de juillet 2016. Le mois de l'automobile chez Midas, c'est moins 25% sur le kit courroie de distribution jusqu'au 29 octobre. C'est bien, mais moi j'ai besoin de plaquettes de frein. Chez Midas, c'est aussi moins 25% sur les plaquettes de frein. Ah, mieux. Mais moi, en fait, c'est plutôt les amortisseurs. Moins 25% aussi sur les amortisseurs. Et sur l'embrayage? Moins 25%. Alors? Alors là, vous pouviez pas faire mieux. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur midas.fr. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec votre look, que ce soit au bahut ou alors au boulot? Dites-nous si vous avez eu des problèmes avec un des éléments que vous allez mettre aujourd'hui. Je sais pas, un petit problème de string par exemple. Ah, moi je vais vous en raconter de bien bonne. Romano a un problème de string, il va nous raconter ça dans un instant. Non, mais c'est pas du string. Si, mais... si, tu peux tout nous dire. Tu sais, on est entre nous le matin. Bon, bah, je vous dirai tout alors. Allez, après l'horoscope de l'amour, on s'en occupe. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et vos puissances amoureuses sur une échelle de 0 à 5. Les Sagittaires et les Béliers, vous avez 0 aujourd'hui. Ah, attention à votre franchise, ça peut être une qualité, mais toute vérité n'est pas bonne à dire et vous risquez de vexer les gens que vous aimez aujourd'hui. C'est pour les Sagittaires et les Béliers, 0. Oui. 1 sur 5, les Poissons et les Vierges, vous serez dans votre bulle aujourd'hui. Les autres ne seront pas toujours comment s'y prendre avec vous. Aidez-les et tout ira bien. C'est vrai, vous serez difficile à comprendre, les Poissons et les Vierges. 2 sur 5, les Scorpions et les Lions. Si vous êtes célibataire, ne cherchez pas que les points communs avec les autres. Les différences peuvent aussi être enrichissantes. Mm-hmm. Et pour les couples, maîtrisez votre jalousie pour éviter de vous prendre la tête aujourd'hui, en gros. Scorpion, Lion, 2. 3, les Verseaux et les Gémeaux, un mardi. Ouais. Cool, vous serez calme et détendu aujourd'hui. 4 sur 5, les Taureaux et les Balances. Vous mettrez l'ambiance autour de vous aujourd'hui. Vous allez vous éclater, vous êtes de super bonne humeur, vous avez tout ce qu'il faut pour séduire. Et pour finir, les meilleurs du jour, les cancers et les capricornes. Comme mais toi, Difoul. En effet, vous m'interrompez, mais vous avez bien raison de le signaler. J'ai 5 aujourd'hui, vous entendez? Oui, les filles, 5. Wow. Vous serez un vrai rayon de soleil pour les gens qui vous entourent. Je vous éblouis, non? Ah, parfait. De fou. Ah ouais, ce matin, tu brilles. Oui, je brille. Bah justement, on va briller tout au long de la journée. Super journée pour nous aujourd'hui. C'est la meilleure de la semaine pour les capricornes et les cancers. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difoul sur Skyrock. Ouais, le morning et les 21 Pilots sur Sky. 21 Pilots, c'est Ride. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Time on my ride. Taking my time on my ride. So I'm taking my time on my ride. I've been thinking too much. Help me. I've been 21 Pilots sur Skyrock, on écoutait Ride, il est 6h55 et on va parler des habits qu'on va mettre ce matin. Bon, nous on est déjà habillés, on n'est pas venu à poil hein, ce matin. Bon, habillé, tranquille, cool. Comment vous trouvez mon look ce matin? Mais merveilleux. Je propose d'ailleurs la Fashion Week, non? Je propose d'ailleurs qu'on le mette sur, pour vous donner une idée de comment vous habiller, qu'on mette mon look magnifique sur les réseaux. Ah, ouais. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais éventuellement ouvrir un peu ta braguette? C'est pour le style. Tu sais qu'elle est toujours un peu ouverte, ma braguette. Ouais, t'as toujours un bouton. J'en ai deux là. Bah, parce qu'il a un gros zizi. Bah oui, ça, après, oui, je sais. Après, ça sert trop, ça me compresse. Bon, on parle des problèmes dans les bahuts, ça y est, c'est ressorti hier, il y a encore un proviseur qui interdit un truc. Alors aujourd'hui, hier, il interdisait les jogging. Tu n'as plus le droit de venir en jogging. Mais en fait, tu vas faire sport en pantalon à pince, non? Ouais, peut-être. Macron. Mais il y a plein de bahuts où il y a des trucs d'interdit. Ouais. Pourquoi ils sortent lui en particulier? C'est ça que j'ai pas compris. Parce que je sais pas, on m'a dit. Ah si, je crois, parce qu'il y a une daronne qui a porté qui a gueulé, c'est ça? La maman d'un élève qui se baladait en jogging a gueulé. C'est pour ça qu'on en a parlé. Ouais. C'est au lycée Condorcet qui interdit le port du survêtement en classe. Ouais. Et ben, y a pas un paquet de mecs qui ce matin vont se retrouver en boxer ou en slip. Ouais, c'est clair. Ben oui, parce que le jogging c'est quand même bien pratique. Bah moi j'ai pas connu tout ça moi. Pourquoi? Moi j'étais à l'armée moi. Ah oui, t'étais dans un lycée collège militaire. Ouais. Et là-bas il y a un truc que je respectais jamais. C'était j'avais tout le temps les cheveux trop longs. Mais t'en as plus. T'avais les cheveux longs. Mais t'avais des cheveux à l'époque. Mais comment? Bah ouais, non mais à l'armée, tu sais, ils veulent que tu sois rasé en gros. Et Romano, il avait les cheveux longs comme Francis Lalanne. Ouais, non, peut-être pas non plus. Tu savais le vieux chanteur là, hein. Pareil. Non mais c'est ça. Avec une raie sur le côté, bah ouais, bien sûr. Non mais il m'engueulait tout le temps, il était là, Romano, faut aller chez le coiffeur. Le sondage du jour, maintenant il serait content. Hein. Vous êtes prêts? Ouais, oui. Allez, on découvre. Le sondage du morning de Diffoul sur Skyrock. Quels sont les vêtements qui posent des problèmes? C'est parti. Le vêtement qui pose le plus de problèmes au bahut, c'est... Bah le survêt. Non. La mini-jupe ou le mini-short ou le short trop court, ça, ils aiment pas. Ah, ça ils va, moi, j'en mettais pas trop, ça. Des mini-jupes ouais, et des mini-shorties. Ah non, des poum-poum shorts. En deux, le string qui dépasse du jean pose problème aux professeurs et aux corps enseignants. Ça les excite, les profs. Ouais, je pense. En trois, la célèbre casquette ou alors le bonnet. Ou alors la capuche que tu gardes en cours comme ça, là, vous savez. Ça, ils aiment pas non plus, ouais, ils détestent. Ils aiment pas. En 4, des décolletés trop profonds. En 5, les baguilles, les pantalons taille basse où tu vois la moitié du cul. Ouais. C'est les 5 trucs qui posent problème au bahut. Mini jupe, mini short, string. Bon, string, je suis tranquille, j'en ai pas. Casquette, ça me fait une gueule de con, j'en mets jamais. Décolleté trop profond. J'évite, ça excite Romano. Ouais, bah grave. Et les baguilles. Quand je vais vers moi, ça me fout. Pantalon taille basse, ça excite le reste de l'équipe. Donc ça aussi, j'évite. C'est les vêtements qui posent des problèmes au bahut. Eh bien, bon courage pour vous habiller. Et on peut en reparler ce soir. Si vous avez déjà eu des problèmes à ce niveau, faites-nous signe. Vous avez eu des profs, des proviseurs, des CPE qui vous cassaient les couilles à propos de vos trucs au bahut. Vous nous faites signe. Pas de problème. Et on remercie Jérémy qui dit, moi, je me ramène tous les jours en jogging, flingue de m'habiller. Pourtant, je travaille dans une entreprise sérieuse. Ça lui pose pas de problème. Jérémy, 19 ans. Il y a Try qui nous dit, moi, je m'habille en chemise pour être à la fois classe et décontracté. Très bien, merci ton petit conseil. Ouais, un beau gosse, quoi. C'est Try Lagerfeld qui nous a laissé un message. Important dans les bahuts, les fringues, c'est très important. Si t'as pas le swag, t'es exclu, nous dit le Gaulois. Pas forcément. Bah, habillez-vous ce matin. Envoyez-nous des photos de comment vous êtes habillé quand vous voit. Ah, très bien, Nounette. Nounette, tu es très très bien habillée. Débardeur, jean. Tranquille, Nounette. Ouais, t'es mignonne en plus. Envoyez des photos, les filles. Les gars aussi, allez. Non, c'est bon, les mecs, on en a assez vu. Sur l'appli Skyrock. Romano, il est jaloux parce que Cariole, elle kiffe sur vos photos. Ouais, puis j'ai l'écran juste en face, alors je vois bien. Allez, profitez. Nous, on écoute le son de Major Lazer et Justin Bieber dans un instant et les infos qui arrivent tout de suite aussi. Bon, chéri, pour l'appartement, toi, tu veux un canapé en cuir, moi, une méridienne en tissu. Et tu veux suspendre les plantes alors que moi, je veux les poser sur l'étagère. Oui, et alors? Alors, pour le bien de notre couple, je pense qu'il faut qu'on aille voir quelqu'un. Profitez-en vite! Pendant les journées qui changent tout chez IKEA, des architectes d'intérieur vous donnent gratuitement des conseils en aménagement et décoration. Du 14 au 15 octobre dans votre magasin IKEA, jusqu'au 16 octobre pour les magasins d'Île-de-France et Caen. Inscription préalable et conditions sur IKEA.fr. IKEA! Pendant ce temps chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon de braquage! Twingo est à partir de 99€ par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes ce week-end. French Touch touche française. Offre pour Twingo Life SE 70 LLD 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€ si acceptation par Diac et SA. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Ouverture sans l'autorisation, voire Renault.fr. À la Banque Postale, ils ont étudié votre tendance à garder votre chère vieille voiture. À la Banque Postale, ils ont aussi étudié qu'elle vous coûte quand même plus cher que vous ne l'imaginez, hein, parce qu'elle demande beaucoup d'entretien, cette chère vieille voiture, hein. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils étudient, ils agissent. Alors jusqu'au 5 novembre 2016, profitez de leur bon taux sur le prêt personnel auto et en route pour financer votre nouvelle voiture. C'est ça l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Oh là là, mais Difool... Bon réveil, qu'est-ce qu'il y a là, ma Difool? Non mais ton micro est en panne. Bah je, écoute, regarde, je fonctionne très bien sans micro, j'ai pris un porte-voix. Vous m'entendez? Ouais. Très bien. On va écouter Justin Bieber et Major Lazer sur Skyrock. Oh yeah. Avec Colorado. Go, go. Juste après les infos et vos 1 500 euros. Go. Mais pas que, puisqu'on aura aussi Soprano, l'invité de Planète Rap avec En Feu. Je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Même le matin, on est en feu sur Sky. Good morning, bon réveil, bonne journée. Et 1500 euros à gagner juste après les infos sur Skyrock. Vos infos avec Rémi, on fait le point sur l'actu, on va faire le point sur la météo. Il fait pas chaud ce matin, on me laissait des messages tout à l'heure. Avec Kai. J'ai Tino qui nous a dit que... Antony, qui nous a dit qu'à Charleville-Mézières, il faisait moins 1 degré ce matin. Ah oui, Kai, ah ouais, ça caille. Ah ouais, ça caille dans les Ardennes. Bon, nous, il fait 5 degrés en dehors du studio, là. 5 degrés en région parisienne. Et le point sur l'actu, c'est parti. Actu, sport. Et d'abord, météo, Rémi, on en parle. Et les températures, tu l'as dit, comprises entre 0 et 12 degrés, 5 à Paris ce matin, de 10 à 16 au meilleur de la journée, jusqu'à 18-20 dans le sud, côté ciel, c'est automnal, hein, frais donc et sec, hormis sur la Côte d'Azur et sur la Corse où des averses sont prévues partout ailleurs. Alternance de nuages et d'éclaircies avec un soleil bien visible, même si ça reste couvert ce matin en Île-de-France, dans le centre et sur le nord-est. Prudence aussi aux brouillards matinaux. Et puis la pollution, ça reste acceptable, les indices compris entre 2 et 4, 5 à Paris, Rouen, Lille et Poitiers. Et Maëva qui nous fait nananère, il fait 12 à Nice. Eh bien, profites-en bien, Maëva, il y en a qui n'auront même pas 12 cet après-midi. Grave. Bonne journée à vous et bonne chance pour les 1500 euros. Les infos d'abord. La vie au taf, qui n'est pas un long fleuve tranquille. Vous êtes nombreux à vous plaindre que vos collègues vous tapent sur les nerfs. Résultat d'un sondage CSA à l'occasion de la fête des entreprises prévue jeudi. En tête du classement, on retrouve le manque d'hygiène. Vous êtes 29% à vous plaindre des collègues qui apparemment ne sentent pas la rose. Autre défaut qui vous rend fou, la fainéantise, citée par 25% des sondés. Ah, ça m'a bien plu. Ce sont les jeunes de 25 à 34 ans qui ont le plus de mal à supporter ce qu'on appelle les tirs au flanc. En troisième place, à 18%, le faillotage, le mec là ou la meuf qui veut toujours se faire passer pour le pote du boss, quitte à vendre ses collègues. Ah, ensuite, c'est pas vu, il arrive en retard. Ouais, c'est ça, voilà. Ensuite, on descend à 7%, et là, il y a pas mal de trucs, hein, qui vous énervent, comme le fait d'être bruyant, bavard ou encore râleur et surtout indiscret. Un déplacement polémique aujourd'hui, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, va inaugurer la première salle de shoot à Paris. Elle ouvrira ses portes vendredi dans le 10e arrondissement de la capitale. La France est le 10e pays à mettre en place ce genre de dispositif pour les toxicomanes. Gracié mais toujours pas innocenté. Connaîtra-t-on un jour le fin mot de l'affaire Omar Radad? Le jardinier a longtemps été accusé du meurtre de sa patronne, une riche veuve, dans les années 90. Affaire rendue célèbre par le message « Omar m'a tué » retrouvé en lettres de sang sur les lieux du crime. Des scellés ont été analysés et ne comportent aucune trace ADN d'Omar Radad. Les enquêteurs vont désormais le comparer au fichier national pour tenter d'y trouver une correspondance. On parle sport maintenant avec les Bleus qui dominent les Pays-Bas. Ouais, la France a été chercher la victoire à Amsterdam et prend la tête du groupe A en vue du Mondial 2018. Score final 1-0. Courte victoire donc, mais tellement magnifique but signé Pogba à la 30e minute. Ah, il a fait Pogboum. Ah ouais, il a fait Pogboum après une frappe puissante à l'extérieur de la surface. Voilà qui redonne de la confiance au Mancunien qui avait été pas mal critiqué là après sa prestation très moyenne contre la Bulgarie. On reverra les hommes de Deschamps le 11 novembre pour affronter la Suède qui on partage d'ailleurs la tête de ce groupe A. Et puis les autres matchs d'hier soir, la Suède qui a dominé la Bulgarie 3-1. Le Portugal a mis à l'amende les îles Féroé 6-0 avec un triplé de Silva et un but de CR7. Même score en faveur de la Belgique contre le petit poussé à Gibraltar avec un nouveau record en Coupe du Monde. Le premier but a été inscrit après moins de 8 secondes de jeu. Donc c'est direct quoi. Chitoup, on siffle, on marque. Ouais. À suivre aujourd'hui Allemagne, Irlande du Nord ou encore Slovénie-Angleterre à 20h45. Merci Rémi pour les infos. On te retrouve dans une demi-heure pour la suite. Ouais. À tout à l'heure. Et bonjour à vos collègues qui sentent mauvais. Merci pour le sondage. Il est 7h05. Sur Skyrock Hill. Pour bouger, à chacun son moyen de transport. Difool est en Ferrari, Romano est à cheval, enfin, plutôt un poney. Carriole est dans les transports. Et Cédric, il se déplace en camion poubelle. C'est le morning de Default sur Skyrock. Et oui, à chacun son moyen de transport rêvé, le camion poubelle pour Cédric. Oh ouais. Un petit cheval parce que ça consomme pas de, d'essence pour Romano. Même un poney, oui. Les transports pour mater les mecs, c'est pour Carriole. C'est ça. Voilà. Et ton moyen de transport préféré, c'est quoi, Sam, toi? Sam, les réseaux sociaux du morning. Les transports en commun. Les transports en commun. Et voilà. Je n'ai pas le permis. Oh, pas le encore. Pauvre. Oh. Mais tu es trop jeune. Oui, il est trop jeune, il a 12 ans. Et oui, il est tout jeune, c'est le plus jeune du morning. On va lui acheter une voiture à pédale pour Noël. Et Karim, ça va? Ouais, ça va. C'est, quoi ton moyen de transport préféré? Moi, c'est la voiture. La voiture, t'as bien. Ouais. Pratique la voiture. Bien. La voiture, c'est la liberté. Ah oui. C'est vrai, en plus, je pense sincèrement que la voiture, c'est la liberté. Dédicace à Anne Hidalgo, notre maire de Paris. Qui kiffe trop la voiture. Ouais, qui kiffe trop la voiture. Je sais pas ce qu'elle a contre les voitures. Peut-être qu'elle n'a pas le permis, elle a le seum, elle a passé plein de fois. Elle a le seum, c'est ça, elle a le seum. Ça, c'est bien dit, ça. Anne Hidalgo, maire de Paris, qui est anti-voiture. Elle voit une voiture, je pense qu'elle fait une. Elle fait une crise de nerfs. Ah ouais. Elle se déplace comment, elle? Ah, elle se déplace en chauffeur. Ah oui, elle a un chauffeur. Chacun son truc. Ah bon. Bon, du son pour se réveiller le matin sur Skyrock. Major Lazer et Justin Bieber qui arrivent au Coldwater. On écoutera également Soprano avec En Feu. D'ailleurs, on va démarrer l'heure avec Soprano, histoire de se préparer au Planète Rap de ce soir. Sopra, entre 20h et 21h toute la semaine pour la découverte de son album L'Everest. Semaine d'ailleurs que Fred et Soprano termineront dans le stade Vélodrome. Ouais, c'est vendredi. Vendredi soir, 20h-21h, en direct de Marseille, le grand Planète Rap de Soprano. Il s'en passe des choses hein, sur Sky. Ouais. Bon, vous aimez le rap marseillais, on aura du Jul à vous offrir aussi. Et puis, vous aimez l'argent? Oui. Bah, oui. Ouais, tout le monde répond oui. Eh bien, c'est pour vous, 1500 euros à gagner. Romano, t'as l'enveloppe, c'est toi qui vas l'ouvrir. 1500 ouais. euros à gagner, comme toutes les demi-heures sur Skyrock. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. C'est Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh, ouais. Putain, c'est trop bon. Maintenant. Tout de suite, 1500 euros. Inscrivez-vous au 7-20-20 si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Hier, c'est qui a gagné? C'est inscrit au 7-20-20. C'est Flavie qui s'était inscrit au 7-20-20. Flavie, elle a gagné. On dit bravo à Yacine d'Orléans qui avait lui aussi gagné 1500 euros. Et là, on va chez qui? Chez Roméo. Roméo. Roméo et Juliette. Comme c'est romantique. C'est mignon, Youyou. C'est mignon. Si vous appelez Roméo, que vous êtes dans le 60 à Alonne. Ouais. Roméo non, c'est pas Romano, l'autre il voulait récupérer les 1500 euros. Non mais en plus c'est Roméo Hacher. Bon, pas cher. Il aurait pu s'appeler Romano pas cher. Allô. Allô monsieur pas cher, monsieur Hacher. C'est Roméo. Ouais c'est Roméo. Voilà, mais j'entends la radio derrière, dis donc, tu écoutes la meilleure radio du morning du matin. Exactement. Bon, ta radio préférée Roméo c'est Skyrock. Et ouais, c'est gagné. Ouais. Un chèque de 1500 euros dans le 60 dans l'Oise. Bravo Roméo, félicitations. Merci, ça c'est bien ça. Eh ben attends, ouais, c'est bien. Ouais. C'est bien ouais. Tu vois, ça va faire du bien à ton compte en banque. Tu vas être content Roméo, ça arrive. Je suis très content. Depuis le temps. T'as fait quoi toi? Tu t'es inscrit ou on t'a tiré dans l'annuaire toi? Je suis inscrit. Eh ben t'as bien fait, tu t'es inscrit au 7-20-20. 1500 7-20-20 pour augmenter vos chances de gagner. Tu les as bien augmentées puisque t'as gagné tes 1500 euros Roméo. C'est bien. Merci. Tu fais quoi dans la vie toi Roméo? Je suis couvreur. T'es couvreur, bien pratique ouais. pour se couvrir. Mais voilà. D'ailleurs aujourd'hui, il fait froid, couvrez-vous, ouais. faites appel à Roméo parce qu'il fait pas chaud ce matin. Hein. Ouais. Mais là, t'es pas en haut d'un toit là. Non, je suis dans le camion, j'y vais là. Ah, tu vas bosser déjà ce matin, c'est bien. Bah, bon courage, j'y caille. Et j'entends ouais. brancher à fond sur Sky, c'est cool Roméo. Tu vas faire quoi avec ton chèque de 1500 euros que j'ai sous les yeux, que je vais t'envoyer là? Bah elle est dépensée, je sais pas encore longtemps mais... C'est bien ça. Fais gaffe qu'il t'arrive pas une tuile. Ah, ah. Rémi est drôle c'est vrai, mais pas réellement mais bon. Pas mal. Bon bravo Roméo, 1500 euros qu'on t'envoie très très vite à la maison dans l'Oise à Alone. Ok. Avec 1500 euros tu ne resteras pas alone très très longtemps. Ça fuse. Ah, bah, ouais, c'est exactement ouais. Bienvenue dans les rois de la punchline et le ouais, nouveau ouais. morning sur Skyrock. Et 1500 euros dans une demi-heure, c'est peut-être pour vous. Faites comme Roméo hein. Dites-le à tout le monde autour de vous, à la famille, on sait jamais, faut pas qu'il vous fasse perdre de l'argent hein. Non. 1500 euros, vous répondez Skyrock quand on vous appelle et Skyrock. On te fait une grosse bise Roméo et ne quitte pas, on t'envoie ton chèque. Ok, merci. Salut Roméo. Ciao. Salut. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la ville. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme au Marcy. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la nuit car sors de la piste, fille. équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je donne confet. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6h du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Si tu me parles, rien. Si tu me touches, rien. Sur Skyrock, je suis en feu, c'était Soprano. Ce soir, loupez pas Soprano, 20h-21h dans Planète Rap, c'est sur Skyrock. Le nouvel album à découvrir en exclu. Soprano, ils sont en pleine forme les Marseillais. Hein. Ouais, ça va, ouais. Je vous conseille le Planète Rap ce soir, puis après vous enchaînez avec la Radio Libre, on sera là nous aussi. Là. Il est 7h13 et il est là ce matin. Tiens, rapidement, on va faire un mini sondage express, faut répondre très très vite. Vous nous dites... quel est l'animateur le plus ringard de la télé? Il y en a un paquet hein, quand même. Hein. Ah ouais. Et c'est pas spécialement que des vieux, parce que bon, tu penses ringard, tu penses Michel Drucker. C'est pas spécialement super swag au niveau du swag, Michel Drucker. Ah bah Drucker. C'est un papy. Hein. C'est Michel Drucker, Michel Drucker. Dans son canapé. Ouais. Il est vissé dans son canapé, non? Non mais j'ai vu maintenant, et son émission, il est sur un tabouret de bar aussi. Ah bah tu vois, je regarde pas assez souvent. Non mais je suis tombé dessus, je te nuis. Je regarderai, ouais. Non, animateur ringard, t'as qui? T'as plein d'animateurs sur France 3. Patrick Sébastien. Ringard. Sur France 2. Ouais, Patrick Sébastien, ça c'est du bon ringard. Tex, ah, il est ringard, lui. Celui qui est avant Tex aussi, il est ringard. Thierry Beccaro. Ah, lui, ah, je l'aime c'est bien, vrai que, putain, France 2, ils ont quand même. Ils ont la dose, hein, quand même. Hein. Ils ont le paquet, quoi. Ils te font un enchaînement. Martial de NRJ 12. Ah, mais, bah, oui, mais ils l'ont foutu dehors. Ah, ouais, il est plus sur la 12, là. C'est Martial de NRJ tout court maintenant. C'est Otine qui nous envoie le message. Genre, lui, c'est un gros ringard, ouais, ça c'est sûr, ouais. Mais ce qui est terrible, c'est que lui, il est jeune et qu'il s'y croit déjà. C'est clair, ouais. C'est ouf. Il est peut-être très gentil, Martial. Peut-être. Arrête de prendre le melon, dis donc. Mais de toute façon, là, le melon, il a dû dégonfler, le mec, il a plus rien, donc. Eh ben, écoute, tu vois, ça va dégonfler tout seul. Celui qui fait les amours, c'est un gros ringard pour Sofiane, 14 ans. Ah, mais c'est Tex, ouais. C'est Tex. Jean-Marc Morandini, on nous dit. C'est Docos. Arthur pour Kev, ringard. Stanislas nous dit, Christophe Beaugrand, le présentateur de Secret Story. Tiens, Christophe Beaugrand, je l'avais croisé, il est tout petit. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, je l'ai croisé, il est même plus petit que moi. Plus petit que Romano. Ah ouais, non, mais j'avais halluciné. Il est gentil, par contre, tu étais comme quoi, la télé, ça grandit. Tex, à la télé, je ferais 2m50. Ouais. Tex, c'est le plus ringard. Ah bah, Tex a beaucoup de succès. C'est qui, Vizouz, 22 ans, qui nous envoie le message? Thierry Beccaro pour Bichette, 31 ans. Ouais, ça c'est Motus. Putain, Benjamin Castaldi revient souvent. La gaffe, bah, il fait plus rien. Jean-Luc Reichmann, tu trouves ringard, c'est pour Tatane. Arthur, Benjamin Castaldi. Putain, Arthur, vous le cartonnez, hein, ce matin, ouais. D'après ce que je vois. Il y a Laurent Romeschko. Ouais. Mais lui, il a toujours été vieux. Même en étant jeune. À une époque, il avait une tête d'enfant. Mais ouais, mais il était déjà vieux. Il présentait déjà les chiffres et les lettres. Mais ouais, mais t'as l'impression que le mec, il a toujours eu 60 piges, quoi. C'est ça. C'est ouf, ça. Ouais, lui, c'est pareil, il a pas l'air méchant, hein. Eh bien, il y en a un que vous avez oublié, enfin, il y en a qui ont laissé son nom, mais écoutez-le bien. Et pourtant, il fait tout pour être swagué. C'est lui. Le G, le U, le L, le I, le N. Julien Lepers. Lui, il doit être lourd. Mais oui, lourd. C'est Julien Lepers. Bien joué, t'as vu. Déjà qu'il est invité dans une émission, il laisse plus parler l'animateur. Le mec, il croit que c'est son émission. Oui, miam miam miam. Eh oui, miam miam miam. Puis il fait des bruits, il dit des mots débiles. Enfin, il est rigolo, Julien. Ah, ouais, ouais. Ah, mais il est déchaîné, ouais. Il est de retour pour les fans des animateurs ringards. Il sera dans Danse avec les stars. C'est dire les stars. Ah, ouais, c'est dire les stars à la française. Bah, limite, c'est lui le plus gros, hein. Il le ferait aux États-Unis, il le ferait avec Kim Kardashian, avec, je sais pas, Kanye West. Bah, en France, c'est Julien Lepers, Valérie Damido. Ouais, c'est la classe. Et bien, tout de suite, le réveil de stars de ce morning. C'est parti. Julien Lepers va réveiller la famille de Bernard. On a choisi un prénom un peu swagué, hein, Bernard. Ouais, c'est bien. Prénom de jeune, tout ça, pour mettre en contact avec Julien Lepers. C'est parfait. C'est parfait. À 7h16, réveil de stars sur Sky. Les stars réveillent la France. Le G, le U, le L, le I, le N. Julien Lepers. Le réveil de stars sur Skyrock. Ouais. Wouhou. Bernard et la famille. On les a appelés avec Julien Lepers. Est-ce que le contact va être bon? J'espère. Allez. Allô des... ah. Bonjour. Oui, bonjour. Comment tu vas? De la part de qui? Le J, le U, le L, le I, le N. Julien Lepers. Julien. Ouais. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Julien qui? Julien Lepers. Julien Lepers. Julien Lepers, ouais. Bah oui. Incroyable. Bien joué. Ouais, c'est qui? Voilà une très bonne question. Bah ouais. Et comment vous appelez-vous? Bah donne-moi le tien, je te dirai le mien. Julien. Ouais, bah moi c'est Julien aussi, tiens. Ah. Bouffon. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Bah, dis-moi ce que tu fais, je te dirai après. Une turlute? Non, non, quand même pas. Je suis pas de ce bord-là. Bah, tu sais qu'il faut être majeur pour faire ça. Ouais, mais même je suis majeur, mais c'est pas de mon bord. Je me mets à genoux devant toi. Oh. Je t'ai déjà dit, c'est pas de mon bord ça. Mon cul! Et en fait, mon oncle de 80 ans, il a dit que si tu voulais te faire enculer en parlant de turlute, il a des copains. Tout le monde pense que je suis con. Ça c'est sûr, mais bon. T'as pas un scoop? Bah, par politesse, je te l'ai pas dit, mais bon. Question pour le champion, ça m'appartient! Ça serait bien, ça te cultiverait plus, mais bon. J'aime bien quand on me flatte. Bah, je t'ai déjà dit que c'était con, je pense que c'est déjà assez flatteur pour toi, non? On dit de moi encore. Ouais, c'est ça. Non, mais t'appelles de où, sérieux? Je suis chez moi. Bah, t'es de où? Paris. Paris? Ah, ouais, ouais, ouais! Ah, c'est pour ça que t'avais un accent à la con, je me disais aussi. T'es fou! Non, non, je suis pas fou. Faut pas m'emmerder! Ta gueule! J'appelle les flics tout de suite! Bon, appelle-les, écoute. Dégage tout de suite. Ouais, allez, salut. À la porte du bonheur, palapalaba, chalala. Ah, chalala, allez, chalala. Julien Lepers dans Danse avec les stars sur TF1. Bien, bon courage la prod, bon courage à sa danseuse. Oui, bon courage au juré aussi. Oui, oui, au présentateur, ouais. À tout le monde. Et quelques petites punchlines quand Julien a un gros bouton, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il le perce. Et quand on gonfle un ballon, qu'est-ce qu'il fait? Ben, on le perce. Ouais, ouais. Julien Lepers. Oui. Julien Lepers dans le réveil de stars sur Sky. Les stars réveillent la France. Oh là là, il est beau ce match, il est beau, je l'aime mon jeu, il est beau mon jeu. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Oh, oui. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. To different places, I will still be patient with you. And I want you to know, I won't let go. You know, Justin Bieber avec Cold Water, c'est sur le son de Major Lazer sur Skyrock à 7h21. Bonne journée, merci de vous réveiller avec Sky tous les matins. Dans 10 minutes, on vous offre 1500 euros. Et ouais, on continue pendant tout le mois d'octobre. Les 1500 euros, toutes les demi-heures, c'est pour vous. Si vous avez 5 minutes, inscrivez-vous au 720. On peut tirer au sort hein, ceux qui s'inscrivent ce matin. Oui, vous vous inscrivez pas. Maintenant et peut-être que tout à l'heure, on vous appellera. 1500 euros, c'est tombé chez Roméo tout à l'heure dans le 60, à 7h même. À 7h30, on recommence. Il est 7h22, c'est l'heure du jeu. Le jeu du morning. Ce matin, 7h22, c'est info ou mytho. Ouais. Avec des infos du monde et une info qui est tombée, puisque ça s'est passé ce week-end, qui est tombée là. C'est un couple qui s'est retrouvé enfermé toute la nuit dans le zoo de Vincennes. Avec un petit problème, ils se sont retrouvés dans la cage des singes. Ah merde. Et dans cette magnifique petite cage de singes, les singes se sont mis à les déshabiller jusqu'au moment où on les a retrouvés. Ils se sont retrouvés donc tout nus avec les singes qui allaient abuser de leur corps. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est une info ou un mytho? Vous vous imaginez, vous allez au zoo, vous allez visiter les singes et là on vous enferme. Ah mais moi je suis prêt parce que je pense que si, les singes y en a ils te mettent des patates hein. Ouais, surtout quand ils ont envie de baiser. Ah ouais. Tu tombes sur des bonobos, les bonobos ça baisse tout le temps. Hein. Ah ouais ils t'attrapent, ils te lâchent plus. Un couple s'est retrouvé enfermé toute une nuit aux zoo de Vincennes avec des singes qui les déshabillent. C'est une info ou un mytho? Vous nous envoyez vos messages dès maintenant. Je vous donne le top. Tout je fais suite. Les bruitages du singe. Ah je croyais que c'était Cédric qui était là. Non, bon vous laissez vos messages, info ou mytho. Vous pouvez y aller maintenant, laissez bien vos numéros de téléphone et on en saura un petit peu plus. Est-ce qu'un couple s'est retrouvé enfermé toute la nuit au zoo de Vincennes avec des singes qui les déshabillent? Info mytho, on sait tout dans 2 minutes sur Skyrock, vous bougez pas. Et on vous offre votre iPhone 7. L'iPhone 7 a gagné comme tous les matins sur Sky, 7h23. Sympa ton nouveau salon. Merci. Attends, laisse-moi deviner. Hein. Canapé, table basse, bibliothèque, meuble télé, lampe tapis. Allez, je dirais 687 euros. Ouais, comment tu sais? Yes! Bah voilà, j'ai gagné, j'emporte tout. Tiens, tu m'aides à prendre le canapé? Non mais qu'est-ce que tu fais? Repose ça! Ah, si tout était comme chez Ikea. Pendant les journées qui changent tout, devinez le prix de l'une de nos 4 pièces mystères pour la gagner. Du 14 au 15 octobre dans votre magasin Ikea jusqu'au 16 octobre pour les magasins d'Île-de-France et Caen. Conditions sur Ikea.fr. Ikea. Travis Scott, le prodige du rap US. Découvrez son nouvel album featuring Kendrick Lamar, Kid Cudi, The Weeknd. Inclus Pick Up The Phone featuring Young Thug. Album déjà disponible. L'exclusivité Micromania, c'est quoi? Pour toute réservation d'un jeu comme Call of Duty Infinite Warfare, Pokémon Lune et Soleil, Watch Dogs 2, Battlefield 1, Dishonored 2, Micromania vous offre des exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais Micromania va encore plus loin. Vous avez en exclusivité de magnifiques consoles. La PS4 1 Tera Collector Final Fantasy XV, la console collector Xbox One S Battlefield 1 Vermilitaire. Offre valable dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur Micromania.fr sous conditions de réservation. Jusqu'au 29 octobre chez Midas, c'est le mois de l'automobile. Et qu'est-ce que ça veut dire, le mois de l'automobile? Chez Midas, ça veut dire 25% de réduction sur le kit courroie de distribution, 25% sur l'embrayage et mieux 25% sur les plaquettes de frein. Et sur les amortisseurs? Ne me dites pas que... 25% aussi. Ah oui, vous vous donnez à 100%! Disons qu'on fait de notre mieux. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur Midas.fr. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché! Les 4 semaines les moins chères de France continuent! Le chocolat le moins cher de France est chez Intermarché. Le lot de tablettes de chocolat au lait Milka de 4 x 200 grammes est à 5,79€, avec en plus 70% crédité sur votre carte de fidélité. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 16 octobre, soit 7,24€ le kilo. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse 2 fois la différence. Modalité, règlement et magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch se met au rugby avec des portes ouvertes exceptionnelles du 13 au 17 octobre. Pilier de la sélection, nouveau Scénic, impressionnant de design et de technologie. Et oh joli, Twingo, Captur et Mégane au meilleur de leur forme avec Easy Pack. Oui, Easy Pack, sans apport, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Voilà qui promet de très belles portes ouvertes. French Touch, touche française. Easy Pack, pack tout inclus. Ouverture dimanche 16 selon autorisation dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Leclerc. Les super pouvoirs d'achat continuent chez Leclerc. 50% de tickets Leclerc sur le pack de 9 paquets de granola au chocolat au lait. Mes biscuits préférés. 50% de tickets Leclerc. C'est énorme. énorme! Du 11 au 15 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le pack de 9 paquets de granola chocolat au lait de 200 grammes chacun est à 9,47€, soit 5,26€ le kilo, avec en plus 50% ticket Leclerc. Point modalité dans les magasins participants. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc! Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Eh, à la Banque Postale, ils ont observé que vous parlez souvent de changer votre vieille voiture, de partir en croisière ou encore de refaire votre déco. Bon, à la Banque Postale, ils ont aussi observé que, force de constater, vous êtes passé maître dans l'art de remettre vos projets à demain. Ah si, ne niez pas, on vous a vu. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors profitez de leur bon taux sur les prêts personnels, auto, travaux et projets jusqu'au 5 novembre 2016 et réveillez vos projets. C'est ça, l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. 7h27 sur Skyrock, allez, c'est parti, on joue à Info ou Mytho ce matin. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et on a Magali au téléphone avec nous, en direct du 83, on file dans le Var. Salut Magali. Ouais Magali. Salut Diffoul, salut à toute l'équipe. Salut, salut à toi. 27 ans Magali, tu fais quoi dans la vie toi? Je travaille dans la com. Dans la com. Ah bah écoute, très bien, on lance un appel si vous êtes dans la com, si vous êtes dans le Var et si vous avez du taf. Eh bien n'hésitez pas pour Magali, on prend. Oui. C'est la troisième offre d'emploi qu'on fait depuis lundi là. On vous tient au courant d'ailleurs pour savoir si ça marche. On compte sur vous. Mais nous, tu sais que tu peux compter sur nous pour un beau cadeau ce matin, l'iPhone 7 à gagner Magali. Ah, ce serait top. Bon, déjà la bonne nouvelle, t'es qualifié avec la question de sélection. Ouais. Puisque tu as envoyé un message, alors tu vas nous dire si c'est une info ou un mytho, un couple qui se retrouve enfermé toute une nuit aux eaux de Vincennes dans une cage et avec des singes qui sont juste à côté et qui ont commencé à les déshabiller. Info ou mytho? Mytho. Mytho. Eh oui, c'est faux. Non, j'ai l'histoire d'un couple qui s'est retrouvé enfermé dans une boîte de nuit bordelaise. C'était tellement bourré que les deux, ils en ont profité pour consommer tout ce qu'ils pouvaient avant le retour du gérant. Donc le gérant les a retrouvés dans la boîte complètement pété, cabané, couché par terre, le bar carrément vidé. Donc rien à voir avec notre couple du zoo de Vincennes, non. Tu as donc donné la bonne réponse. Tu es qualifié, Magali. Tu vas jouer avec Romano et Cariole. Ils vont tous les deux te raconter un truc. Qui dit vrai, qui dit faux? Eh ben, c'est parti. Info ou mytho? Qui dit vrai? Qui dit faux? À oui. Toi de détecter le mytho. Et je me tourne vers notre grand reporter, journaliste bourguignon Romano. Oui, et ce matin, je vous contacte du Lot-et-Garonne. Ah, il est parti dans le Lot-et-Garonne. Alors, les policiers ont fait un survol en hélicoptère d'un champ. Mm-hmm. Et là, surprise, ils voient des couples en train de faire l'amour. Ils se disent étrange, ils descendent. En fait, c'est un tournage de Jackie et Michel. Exhibition en public. Hop, amende, tout le monde embarqué au poste, garde à vue, info ou mytho. Ils ont bien dû s'amuser les keufs avec les actrices de Jackie et Michel. Ouais, ouais. S'amuse dans le commissariat. Ouais, on va aller au poste. C'est l'info de Romano ou le mytho, attention Magali, écoute bien Cariole maintenant. Moi ça se passe en Angleterre et en fait le pays il est envahi par des puces avec un zizi qui ont 2,5 fois la taille de leur corps. Un zizi qui a 2,5 fois la taille de leur corps, Cariole. Ouais, et ouais. Dire. Et non. Vous imaginez si on avait une bite qui faisait 2 fois la taille. Même toi Romano qui fait 1m54, t'aurais une bite de 3 mètres. Ouais putain, ça serait un peu gênant. Pour marcher, c'est quand même difficile. Tu la mets sur l'épaule. Peut-être aussi pour elle, c'est difficile. Alors, des puces qui ont le sexe 2 fois plus grand que leur corps. Ou alors, Jackie et Michel dans un champ, qui dit vrai, qui dit faux, Magali, Cariole ou Romano? Oh, bah ça me paraissait évident au début, mais non, je sais plus trop. Ah. Je vais dire Romano qui dit mytho. Romano qui dit mytho, Cariole qui dit info. J'aurais dit comme toi, parce que j'ai déjà entendu parler de ces puces avec des grosses bites. Et attention, c'est gagné. Ouais. Donc les puces qui envahissent l'Angleterre avec leur gros zizi. Oui. C'est vrai. Et Romano, toi? Et en fait, Michel, c'est faux. Hein. Dans le Lot-et-Garonne, les policiers font un survol d'hélicoptère d'un champ. Ils ont pas vu Jackie Michel. Dans un champ de maïs, et là, ils voient une autre couleur bizarre, verte. Mmh. Et en fait, bon, ils ont découvert 250 pieds de cannabis. Bon, ils les ont détruits, mais le propriétaire, pour le moment, n'a toujours pas été retrouvé. Bah, tant mieux pour lui. Et il ne s'est pas déclaré. Étonnant. Étonnant. Eh bien, Magali, tu viens de gagner ton iPhone 7, dis donc. Ah, c'est top, merci beaucoup, merci. Bravo. Merci à toi Magali de te réveiller avec nous. On t'envoie ça dans le Var, tu salues tout le Var pour nous, j'aime bien cette région. Oui, c'est beau. Avec plaisir, et on adore vous écouter tous les matins. Merci Je beaucoup. Sais, c'est gentil comme tout. Bisous Magali. Au revoir, merci. Profite bien, et l'iPhone 7 encore à gagner tout à l'heure. On jouera à l'invité mystère. C'est le jeu de 8h20 tout à l'heure. Tenez-vous prêts. Il est 7h30. Allez, on écoute Ken Jones. Et juste après, les infos de Rémi et vos 1500 euros à gagner. Tous les matins, 6h, 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Hola, you telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. Ken Jones sur Skyrock avec Don't Mind à 7h32. Bonne journée, bon réveil avec Sky avant 8h du matin. On aura notre top loose, top win du jour. Alors loser ou winner, on verra ça tout à l'heure. Ouais. L'horoscope de l'amour qui arrive. Et puis les conseils pas chers avec toi, Romano. Conseils pas chers, on va parler des endroits sales. Ah, c'est-à-dire, tu veux qu'on parle de la maison de Cédric? On pourra. Non, hier, il était entêté, Cédric. On a lancé un hashtag dans la radio libre. C'était hashtag Cédric est sale. Ça lui a fait plaisir. Ça a cartonné, il s'est retrouvé dans les 10 meilleurs tétés du monde. Il a kiffé, on vous remercie d'ailleurs. Donc les endroits sales, tu veux lancer un appel aux auditeurs, aux auditrices de Skyrock, les Skyrockeuses et les Skyrockers qui se réveillent ce matin? Si vous connaissez un endroit particulièrement sale, n'hésitez pas à nous l'indiquer. Bon, si c'est chez vous, c'est dommage. Mais plutôt un lieu public. Par exemple, là, ils ont nettoyé le Vieux Port à Marseille. Là. Ouais, ben, le Vieux Port, ça s'écrit pas P-O-R-T, mais P-O-R-C à Marseille. Ah ouais, putain, mais c'était dégueulasse. Ouais. Bon, c'est sale. Tu vois, on va peut-être aller à Marseille. Ouais, alors. On va s'occuper de ça d'ailleurs, ouais. Allez, on s'occupe de tout ça, on en reparle dans les conseils pas chers. C'est à 7h40 pour les conseils pas chers. Là, il est 7h33. C'est l'heure des infos avec Rémi. Et juste après, vos 1500 euros. C'est tombé chez Roméo du 60. Yeah. Il y a une demi-heure, ça sera peut-être chez vous. Et là, voici la météo pour vous tous et vous toutes ce matin. Tiens, on était dans le Var il y a un instant. Bah, c'est un des rares endroits où il fait à peu près, enfin, à peu près bon, faut peut-être pas exagérer, mais où il fera à peu près bon cet après-midi. Oui, voilà, entre 18 et 20 cet après-midi, puis 12 degrés ce matin. En PACA, donc c'est plutôt pas mal, entre 0 et 12 partout ailleurs, 5 seulement en région parisienne, et puis 10 à 16 en moyenne dans l'après-midi. Mais alors pourquoi il fait relativement doux comme ça dans le sud? Bah parce qu'il pleut. Ah bah voilà. Et bah voilà, on a des averses normalement sur la Côte d'Azur et sur la Corse, hein, plutôt dans l'après-midi, des averses qui sont prévues partout ailleurs. Et bien c'est alternance de nuages et d'éclaircies avec un soleil bien visible, même si ça reste couvert ce matin quand même en Île-de-France, dans le centre et sur le nord-est. Et puis la pollution, c'est acceptable, les indices compris entre 2, 4, 5 à Paris, Rouen, Lille et Poitiers. Il y a mon usine, elle est grave dégueu, nous dit Jeff du 59. Envoie-nous une photo, Jeff. Notre salle de cours d'anglais pour Shaima. L'arrière-salle d'un resto chinois que je connais, c'est dégueulasse, c'est Franck Dux. Les gares sont sales. Il y a Anissa, c'est parking souterrain. Les parkings, c'est vrai que c'est dégueulasse. On en connaît un à côté de la radio, il pue, mais c'est terrible. Bon, les endroits sales, on va s'en occuper, on va nettoyer tout ça. Hein. Oui, oui, oui. Allez, monsieur Romano, ce matin, nettoie tout. Ah, je fais le ménage. Vous connaissiez monsieur propre, il est chauve, monsieur Romano aussi. Ouais. Allez, les infos, c'est parti. Une équipe de France moyenne, mais une équipe de France victorieuse, c'est ce qui compte et c'est ce qu'on retient du match d'hier soir contre les Pays-Bas. Les Bleus ont été chercher la victoire à Amsterdam et prennent la tête du groupe A en vue du Mondial 2018. Score final 1-0, magnifique but de Pogba à la 30e minute après une frappe puissante à l'extérieur de la surface. Et voilà qui redonne de la confiance aux Mancuniens. Je dis pas qu'il en manquait, mais il avait quand même été pas mal critiqué au cours des dernières semaines, c'est notamment. C'était pas la folie en équipe de France. C'était quand même pas la la folie en équipe de France, mais bon, là, il a quand même remonté le niveau. C'est bien Polo. Ouais, en attaque, bon, plutôt pas mal, plutôt sympa à regarder encore, hein, le duo GG, la Griezmann-Gamero, même si c'était un petit peu moins fluide quand même qu'au match dernier. En tout cas, Deschamps a encore quelques jours, même un mois tout pile, jusqu'au 11 novembre pour peaufiner les derniers réglages. Le prochain match contre la Suède, ce sera au Stade de France. Le policier blessé à Viry-Châtillon, toujours dans un état critique ce matin, l'adjoint de 28 ans a été plongé dans le coma artificiel. Il a été la cible, vous le savez, de jet de cocktail Molotov. Il souffre de graves brûlures. Un appel à témoins a été lancé pour tenter de retrouver les agresseurs. Le syndicat policier Alliance appelle à une grève du zèle dans l'Essonne. Les gardiens de la paix n'interviennent que sur demande et pour les urgences les plus graves. Ils demandent au gouvernement et aux candidats à la présidentielle de tout mettre en œuvre pour disposer de moyens supplémentaires. Une mère et ses trois enfants interpellés à l'aéroport de Roissy. La famille avait quitté l'Isère en 2014 pour rejoindre la Syrie. Le père, qui était apparemment parti faire le djihad, serait mort l'an dernier. La mère est toujours entendue ce matin. Elle a été expulsée depuis la Turquie. Le cauchemar de Samsung, qui vit peut-être la pire crise de son histoire. Le géant sud-coréen n'arrive pas à se sortir de la polémique là, liée au Galaxy Note 7. Les téléphones sont de véritables bombes. Ils explosent sans raison partout sur la planète. Alors le phénomène est tellement répandu qu'il y a plein de petits jeux qui s'y mettent, dont GTA. On peut carrément sortir un Samsung de sa poche et puis le jeter en guise de grenade dans le jeu. La marque conseille à tous les utilisateurs d'éteindre le téléphone tout de suite là, de toute urgence. Plus aucune vente nulle part, aucun échange non plus. Une enquête est en cours, mais pour l'instant très très peu de communication quand même de la part de Samsung. Et puis les Bleuets sur le terrain ce soir en marge de la qualification à l'Euro. Les Espoirs se déplacent sur la pelouse de l'Irlande du Nord. Coup d'envoi à 18h45. Eh bien allez les Bleuets, bonne chance à vous. Maintenant 1 500 € à gagner sur Skyrock. En direct de l'appart. The Morning Show. C'est le Morning de Default sur Skyrock. The Morning Show. On est en direct avec vous tous les matins. Merci de vous réveiller sur Skyrock. Il est 7h37 et peut-être 1 500 € pour vous dans l'enveloppe, Romano. Ouais, c'est bon. Eh ben tu vas l'ouvrir. On va ouvrir l'enveloppe des 1 500 €. Et puis dans un instant, on va filer à Marseille. C'est vrai qu'ils ont nettoyé le vieux port à Marseille. Ils ont trouvé des trucs. T'as la liste de ce qu'ils ont trouvé dedans? Ah ouais, un paquet de trucs, quoi. Bon, vous allez tout savoir. Moi, j'ai vu des caddies, par exemple. Oui, c'est ça, ouais. Bien pratique. Ouais, c'est pas le pire. Hein. Si vous avouez une grande surface, par exemple, ou une super M. N'hésitez pas. Si vous voulez faire la cuisine, il y avait des casseroles également. Oui, pas mal. Vous allez savoir tout ce qu'on a trouvé dans le port de Marseille. Et puis avant 8h du matin, le Top Lose Top Win, c'est avec un rappeur quand vous passez sur Skyrock. C'est un winner aujourd'hui, vous verrez pourquoi. Je vous demanderai d'ailleurs votre contribution. On va faire un petit sondage express aussi concernant le winner du jour, le winner du morning. Mais tout de suite. Et merci pour tous vos messages, il y a un paquet d'endroits dégueulasses. Hein. Ah, on y revient avec vous, tiens. 1 500 €. Mode d'emploi pour choper 1 500 €. Bonjour, c'est qui? Tu fous le tapel? C'est pas possible. Tu réponds Skyrock. Skyrock. Tu gagnes. Et on espère que Romano va vous porter chance, c'est lui qui ouvre l'enveloppe. Hop là, c'est ouvert. C'est bien. Direction Rambouillet. Rambouillet dans le 78. Et c'est Elonie Elrich. Elrich. Ce n'est absolument. Elonie. Elonie. Ah, c'est pas Elodie. C'est Elonie. Elonie Elrich. N-Y, c'est Ni. Elonie, oui. Mais c'est Elonie. Donc. Bien vu, Romano, bien. Elonie Elrich. Ah, j'ai cru que c'était Elrich, moi. Non. C'est parti à Rambouillet. On prend des numéros au hasard dans les annuaires. Et là, on va arriver à la 5e sonnerie. Et hein. On prend les numéros aussi que vous nous laissez sur le 72020. Vous envoyez 1500 au 72020 et là, on a la 5e sonnerie, je crois. Hein. Ah ouais, là, c'est... Désolé, on en a même mis 6. C'est fini. Désolé pour Elodie Elhirsch. Elle ne gagnera pas les 1 500 € si vous la connaissez. Vous lui dites qu'on a pensé à elle ce matin sur Skyrock. Bah oui, gros bisous, Elonie. Elonie. On garde le chèque pour tout à l'heure, ça va pas être long. Hein. Dans une demi-heure, restez bien avec nous. On vous appelle, on vous offre 1 500 €. Si vous répondez... Skyrock. Ouais, Skyrock. Et Alonso à écouter tout de suite. On écoutera le nouveau Bruno Mars aussi avant 8h du matin. Puis PNL à écouter aussi. Restez bien sur Sky. Là, c'est Binta sur Skyrock. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait... Ah, j'y crois même pas, là. J'y crois même pas, putain. T'es réveillé. Binta dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, ce bout. On appelle de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les hommes sous son blabla. Elle provoque des bagarres, elle est pas dans sa douche. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Merci à vous d'être là tous les matins puis de réagir à l'émission. Ça fait plaisir de voir tous les messages que vous nous envoyez. Trouvez le temps de nous envoyer des messages le matin, c'est gentil. On remercie Donald Trump qui nous salue et qui dit que c'est très très sale dans l'endroit où il bosse. Après il dit le nom de sa boîte, mais on va pas le dire, mais c'est une carrosserie. Il paraît que les toilettes sont nettoyées une fois tous les 15 jours. Ah merde. C'est terrible. Les toilettes des femmes sont même plus sales que celles des hommes puisque tous les hommes vont dans les toilettes des femmes faire leur truc. C'est ah ouais. Enfin, je vois à peu près votre bon courage la carrosserie. Hein. Le centre routier de Bordeaux, il y a des rats aussi gros que le chien de carriole. Oh. Aussi gros que Mehmet. Oh ma pépette. C'est des gros rats. C'est le routier du Saxis. Ouais, c'est plus des rats le. Non. La Rochelle, c'est une ville sale en général, nous dit Mamselle Mallory. Ah, oh, il y a pire. Hein. Oui, moi j'ai vu La Rochelle, il y a pire que La Rochelle. Il y a Paris, tiens. Ouais. Non, franchement, il y a des quoi en Paris Ouais, pas tout, pas tout. Mais non, mais ouais, ça dépend des moments en fait. Ça dépend des moments et des quartiers, c'est vrai. Hein. Sur les Champs-Élysées, il y a un endroit qui vend des cafés, qui commence par un S, qui se termine par Bucks, où c'est dégueulasse, il y a des rats. C'est le message de Sweetie. Bonjour les Champs-Élysées. Non, mais bonjour, sur les Champs, il y a beaucoup de rats, parce qu'il y a, il y a eu l'histoire à l'époque, le Fouquet, ça, le resto bien cher. Ouais, où allait manger Nicolas Sarkozy. Et où il y avait des rats et des cafards, je crois, en cuisine. Oui, bonjour, bonjour, je voudrais un rat. Un rat grillé, s'il vous plaît. Un rat grillé, mais un rat gaulois, bien sûr. Bon, les endroits sales, on en connaît, mais moi Vieux port. Je savais pas que le vieux port, et c'est aussi dégueulasse que ça, a mis Marseillais. Mais comment ça se fait qu'il vous ait mis votre vieux port dans cet état? Bon, c'est la première fois en même temps, hein, dans l'histoire de Marseille, que le vieux port a été nettoyé. Vous avez peut-être vu les images ce week-end ou hier. Ouais, c'est passé partout à la télé. Ouais. Alors, s'ils ont trouvé des bouteilles de bière, des pneus, des chariots de supermarché. Carriole, il y a des bouteilles de bière. Oui, mais vide, j'imagine. Ouais, bah c'est ça, ouais. Des chaussures, du matériel de pêche, des casseroles, des batteries de voiture. Il y a des scooters. Des scooters. Scooters. Ouais, bon, ils ont même repéré une Alfa Romeo des années 70, mais ils avaient pas la grue pour la sortir, ils l'ont laissé dedans. Non mais tellement il y a de merde, ils ont dit ils vont être obligés de recommencer parce qu'ils ont pas réussi à tout remonter quoi. Et qu'est-ce que tu vas faire Romano justement pour lutter contre la saleté du port de Marseille? Bah je vais appeler des Marseillais et les accuser de les avoir vus lancer quelque chose dans le vieux port. Bien joué. Avec mes caméras de vidéosurveillance. Eh oui. Wow. Et je vais être obligé de les pruner. C'est bien. C'est bien ça. Tu vas. C'est pour faire respecter la propreté. L'écologie, c'est un peu ton dada. C'est ça. Allez, on y va. Surtout quand ça rapporte du blé. C'est ça. À Marseille ce matin. Allez. À la maternelle, il carottait déjà des couches. En primaire, des Pokémon. Je ne laisserai pas me voler mes Pokémon. Au collège, des portables. Au lycée, des capotes. Et aujourd'hui, la France entière. Oui, ben vous voulez que j'appelle les flics? Romano, le roi des escrocs. Et direction Marseille ce matin. Marseillais, ouais. Vous êtes à l'honneur ce matin. Jean-François. Et ils avaient fait il y a quelques mois là, le canal Saint-Martin à Paris. Là, ils avaient carrément retrouvé des fauteuils roulants et des parcs-mètres. Des machines à laver. Des parcs-mètres. Des Vélib aussi. Vélib, beaucoup de Vélib. Ouais. Allô? Allô, Marseille? Jean-François. Jean-François? Oui. Comment tu vas, Jean-François? Mais qui c'est, pareil? C'est Monsieur Lapince du Vieux-Port, la capitainerie. Monsieur qui? La pince. La pince. La pince. La pince. Monsieur la pince qui travaille à la capitainerie. Du Vieux-Port. Du Vieux-Port. Je t'appelais, on t'a vu jeter un truc dans le Vieux-Port. Ouais, c'est ça. c'est ça. Il faut payer t'as une amende. Allez, l'amende, 150 euros. 150 euros. Bon, je vais faire avec la voix normale parce que c'était peut-être pas très crédible. Non, tu es meilleur sur l'accent bourguignon. D'ailleurs, c'est 68 euros si vous jetez un truc dans le vieux parc que vous faites choper. Alors, vous jetez une cigarette, c'est 68 euros. Vous jetez une voiture Alfa Romeo des années 70. C'est 68 euros. Ouais, c'est pas cher. C'est le même prix. Chez Joseph. Joseph. Joseph. Seigneur Marie-Joseph. Oui. Allô? Oui, bonjour, c'est Joseph? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, monsieur Lapince, à l'appareil, je travaille à la capitainerie du Vieux-Port. Monsieur? Monsieur Lapince. Monsieur Lapince? Oui. C'est monsieur Lapince, oui. Eh, dites voir, il y a un petit problème, parce qu'avec les caméras de vidéosurveillance, on vous a vu jeter des pneus dans le Vieux-Port. Excusez-moi, j'ai pas compris. Vous êtes dans une boucherie, là? Ah oui, ben ça, je m'en fous. Comment vous en foutez? Ah ben moi, ce que je vous dis, c'est qu'on vous a vu aux caméras de vidéosurveillance. Ouais. En train de jeter des pneus dans le Vieux-Port et un cochon. En train de jeter des pneus? Et un cochon. Et donc, on est obligé de vous dire. Venez au magasin, là, je vous arrangerai la. Vous allez m'arranger. Un morceau, moi, si je jetais des cochons. Je vais vous désosser, moi. Oh là, dis donc, l'ami, tu vas parler sur un autre ton parce que tu sais pas qui t'as affaire. Je suis quand même le capitaine de la capitainerie. Le capitaine de la capitainerie? Et moi, je suis le boucher du boulevard Chat, je te mets un morceau, moi. Fais gaffe à toi, parce que si je ramène le commandant Baybeck, un ami à moi, un ami marin, tu vas moins rigoler, il va te claquer un coup de rame sur la gueule, t'en reviendras pas. Oui. Eh ben passe, viens, quand tu veux, là. Ah ben, je vais venir. Je suis de 5h du matin à 7h du soir. Ah ben, y a aucun problème. Je vais venir, et par contre, je vais te soulager un peu le portefeuille, parce qu'il va falloir payer, hein. Je te désosse sur place, viens. Je te mets un morceau, tu vas voir, ça durera pas longtemps. Il y en a pour 200 euros, hein, comptant les pneus et le cochon. Ouais, mais viens, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux me préparer un bout de boudin? Viens, je te mets un morceau, tu vas voir. Tu sais pas ce que c'est, mousser. Ah bah attends, j'arrive avec mes rames, j'ai claqué un coup de rame, tu vas voir, je vais te calmer tout de suite, moi. Eh, mais tu dois avoir à faire un trou du cul, viens, je te montre ce que c'est, mousser. Tu vas te montrer, on va gaucher ce qu'il a, hein? Hein? Hein? Allô? Ouais, non, mais. Je t'attends, hein? Non, mais je vais passer. Prépare les 200 balles, par contre, je viens pas pour rien. 200 balles, viens. Je vais te payer, tu vas voir. Eh ben, il arrive. Ah, j'arrive en courant, là. Bah, ouais. 291, ah, ouais, attends, j'arrive. T'inquiète, je connais l'adresse. Hein. Merci, la boucherie. Merci, hein. Allez. À tout à l'heure. Et un désossage gratuit. T'as jamais eu ça, hein. Jamais t'as eu un désossage gratuit. Il était acharné, là, chez Malavera. Je vais te désosser. On va faire un sondage express, là, et puis on va parler de notre top loose, top win du jour. C'est un winner du jour qu'on va retrouver. On vous présente le winner du jour. Ah, un winner qui est rappeur qu'on passe sur Skyrock. Vous allez le découvrir. Et on va parler des sons qu'on écoute mais qu'on a un peu honte d'écouter. Genre par exemple, s'il y a un truc que vous aimez bien et que vous n'aimez pas trop partager avec les autres parce que vous allez vous faire traiter de gros ringards ou de grosses ringardes, envoyez-nous un message et dites-nous quel est le son. On se dit tout le matin sur Skyrock. Même l'équipe. Ouais. Réfléchissez l'équipe. Faites-nous une petite sélection des sons tout pourris mais que vous aimez bien. Moi j'en ai un petit, moi. Moi aussi. Ah, toi aussi, Romano, t'as trouvé déjà. Moi aussi, ouais. Allez, envoyez-nous ça au 41759 et sur l'appli Skyrock. Une petite idée et on en reparle avec notre grand winner du jour. Et puis l'horoscope qui arrive dans une minute. C'est pour nous, c'est sur Sky, il est 7h49. Kanye West. Your love is fading, baby, I feel it. Son nouveau single, Fade. Hold up, I feel it. I love the, I wanna, I'm trying to feel. Kanye West, album et single disponible uniquement en digital. Intersport. Vous allez adorer l'anniversaire Intersport. Dès le 5 octobre, le VTT Nakamura Complete 700C est à 899,99€ au lieu de 1499,99€, soit 40% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles, conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes, du niveau brevet à Bac plus 5, dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Et c'est parti, l'horoscope de l'amour sur Skyrock. On va faire un petit tour du côté des 12 signes pour voir ce qui va se passer aujourd'hui. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et c'est parti avec les 12 signes et on va commencer par les meilleurs du jour. Très belle journée pour les Capricornes et pour les Cancers. Comme toi, Difool. Oui, je suis Capricorne et on salue les Cancers aussi. Vous avez 5 sur 5, Capricorne et Cancer, vous serez vraiment... Toi, Difool. Aujourd'hui, un vrai rayon de soleil, mais oui, l'équipe. Pour tous ceux qui vous entourent, je serai votre rayon de soleil. Ah, c'est bien, hein? Ah ouais. Bon, ça va briller tout au long de la journée. Une super journée pour nous, les Capricornes et les Cancers. On a 5. 4 sur 5, puissance amoureuse des Taureaux et des Balances. Vous allez mettre l'ambiance aujourd'hui. Vous allez vous éclater, vous serez de bonne humeur. Vous allez éclater les autres. Vous avez tout ce qu'il faut pour séduire. 3 sur 5 pour les Verseaux et les Gémeaux, c'est bien. Un mardi à la cool, vous serez calme, détendu et séducteur et séductrice. 2 pour les Scorpions et les Lions, si vous êtes en couple, maîtrisez votre jalousie, ça évitera un conflit inutile dans le couple. Et pour les célibataires, ne cherchez pas que les points communs avec les autres, les différences sont parfois enrichissantes, c'est vrai. 1 sur 5 les Poissons et les Vierges, vous serez dans votre bulle aujourd'hui, les autres ne sauront pas toujours comment s'y prendre avec vous. Aidez-les, vous irez, ça ira mieux. Et pour finir, les Sagittaires et les Béliers, attention à votre franchise d'aujourd'hui. Vous êtes franc et franche et parfois toute vérité n'est pas bonne à dire. Vous risquez de vexer les autres. Allez, 7h51 et dans un instant, les morceaux qu'on a honte d'écouter mais qu'on aime bien. Ouais. Allez, on se prépare et on retrouve notre winner du jour. Ouais. Un rappeur qui passe sur Skyrock. Lui aussi a fait des révélations, on va tout vous dire. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et ça c'est le nouveau Bruno Mars. 24 Magic, un son que vous avez découvert dans le morning, vendredi matin, là. Ouais. Eh ouais, juste avant le week-end, on vous l'a passé, on l'écoute maintenant. Vous allez voir, c'est bon, ça c'est funky. Funky baby, dès le réveil sur Skyrock. Bruno Mars est de retour dans le morning. Sur Skyrock, c'était 24 Magic. C'est ça. 24K Magic même. Yeah. C'est le mec, je vous dis un truc. Le winner du jour, le voici, le voilà, il arrive, il est là. Le winner du jour, le winner du jour. Alors, notre top loose, top win du jour met en l'honneur un winner aujourd'hui. Le winner, c'est MHD. MHD qui a fait une interview et qui a dit qu'il kiffait Dev. Dev. Et oui, wow. Parce qu'on lui a demandé c'est quoi la musique que t'écoutes actuellement. Écoutez bien la réponse de MHD. Tiens, pour ceux qui auraient pas repéré MHD, c'est lui. Et bah je dis avec Afro Trap, façon que vous avez découvert sur Skyrock. Maman j'ai mal. C'était bien ça, hein? Ouais. On l'a passé tout l'été sur Sky. Maman j'ai mal. Et puis le nouveau aussi qu'on vous cartonne sur Skyrock. Akelenta. Mon ami Akelenta. Mon ami Akelenta. MHD, donc il fait du rap, hein, du vrai de vrai, hein, comme ouais, on l'aime. Ouais. et écoutez ce qu'il a répondu quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il écoutait. J'écoute de tout, franchement j'écoute de tout. Ce qui est bien d'écouter de tout, hein. Oui, j'écoute des sons même de Bollywood, j'écoute Bollywood. Des sons pop, j'écoute du Booba, après j'écoute du Michel Fugain, après Michel j'écoute Fugain. Du Salif Keita, après j'écoute du MHD, après j'écoute du Alonso. Et ce qui nous a particulièrement marqué, c'est ça. En ce moment, juste pour faire le rouleau dans la voiture un peu, j'écoute Dev. Dev. Du côté de chez Swan. Du côté de chez Swan. Et je m'en vais faire un tour du côté de chez Swan. Alors, vous avez demandé dans l'équipe de faire comme MHD, de nous dire un son que vous écoutez, que vous avez un peu honte d'écouter. On va commencer par, allez, honneur aux filles, Carriole. Les Spice Girls. Oh. Wannabe. Wannabe des Spice Girls. Et j'ai droit aux chorégraphies à la maison. Elle se déguise et tout. C'est ça toi? Ouais, j'adore. Oh non. Ah bah tiens, Brouette aussi, les Spice Girls. Ah ouais, pareil, merci pour tous les messages. Bon, ça va, il y a pire. Alors, un choix commun entre Karim et Sam des réseaux sociaux. Vous avez choisi quoi, le beau couple? On a choisi Tragédie et Oh. Oh non. Et ouais, man. Et on vous l'a passé sur Sky, ça. Ouais, c'est vrai. Et ouais. Est-ce que tu me sens? Touche-moi, je suis là. Ah, ils connaissent par cœur en plus. Tragédie. Silky Shy et Tizzy Bone. Silky Shy et Tizzy Bone. Romano, à toi. Moi j'ai pris Blouda Boudida Bouda, moi. Hein? Blouda Bouda Bouda. C'est quoi? Mais si, le Blouda Didi Didi Didi. Da Boudi Da Bouda. Da Boudi Da Bouda. Da Boudi Da Bouda. Et Da Boudi Da Bouda. Que c'est resté numéro 1 aux États-Unis pendant 2 mois cette histoire. Ah ouais? Ouais, ouais. Et on comprend pourquoi. C'est fait par des Italiens. Daboudi, Dabouda. Bon, alors mon choix à moi. Ah bah, ouais. C'est un peu du même style que MHD. Moi j'ai choisi Claude Françoise. Oh! Non, parce que j'aime bien Claude Françoise. Il me fait rigoler avec ses cheveux blonds et tout. On dirait un peu Donald Trump, mais avec un petit brushing mieux fait quand même. Ah ouais, ouais. Claude Françoise, lequel je vous ai pris? Allez, celui-ci là. Attention. MHD, t'es pas tout seul à aimer des vieux trucs ringards. Hein. Là, on est en train de piquer tous les auditeurs de nostalgie. Là, c'est, Bienvenue sur Skyrock. Vous êtes bien sur Skyrock si votre radio s'allume. N'ayez pas peur. Hein. On n'est pas piraté ce matin. Attention, il va faire. Ah non, et les combles ont coupé là. C'est le meilleur moment du morceau. Excusez-moi, je vais changer une ampoule. Merci Clo-Clo. Tiens, et MHD, c'est ça. Et je m'en vais faire un tour du côté de chez soi. Premier amour qui me donnait rendez-vous. Sous le chef. Vous imaginez MHD qui écoute ça. 7h59, 1500 € à gagner dans un instant. C'est sur Sky, c'est pour vous. Les infos, c'est pour vous aussi. Et puis on prépare notre réveil de star. Et l'iPhone 7 à choper et 1500 €, ça arrive tout de suite. Bon chéri, pour l'appartement, toi tu veux un canapé en cuir, moi une méridienne en tissu. Et tu veux suspendre les plantes alors que moi je veux les poser sur l'étagère. Oui, et alors? Alors pour le bien de notre couple, je pense qu'il faut qu'on aille voir quelqu'un. Profitez-en vite! Pendant les journées qui changent tout chez IKEA, des architectes d'intérieur vous donnent gratuitement des conseils en aménagement et décoration. Du 14 au 15 octobre dans votre magasin IKEA, jusqu'au 16 octobre pour les magasins d'Île-de-France et Caen. Inscription préalable et conditions sur IKEA.fr. IKEA! Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc, pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achat à chaque passage en caisse à partir de 25 €, ou pour l'achat de 3 produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20 € en bons d'achat et 50 € en e-carte cadeau Leclerc. C'est ça, le super jeu Leclerc. Mon héros. Du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat! Bon. À la Banque Postale, ils ont étudié votre tendance à garder votre chère vieille voiture. À la Banque Postale, ils ont aussi étudié qu'elle vous coûte quand même plus cher que vous ne l'imaginez, hein, parce qu'elle demande beaucoup d'entretien, cette chère vieille voiture, hein. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils étudient, ils agissent. Alors jusqu'au 5 novembre 2016, profitez de leur bon taux sur le prêt personnel auto et en route pour financer votre nouvelle voiture. C'est ça l'énergie citoyenne.

comprises entre 0 et 12 ce matin, 5 à Paris, de 10 à 16 au meilleur de la journée, et même jusqu'à 20 dans les régions du sud. Et puis la pollution acceptable entre 2 et 4, 5 à Paris, Rouen, Lille et Poitiers. Et l'actu, toute l'actu, tout le sport. La vie au taf qui n'est pas un long fleuve tranquille. Vous êtes nombreux à vous plaindre que vos collègues vous tapent sur le système. Résultat d'un sondage CSA à l'occasion de la fête des entreprises prévue jeudi. En tête du classement, eh bien, on retrouve le manque d'hygiène. 29% à vous plaindre des collègues qui apparemment ne sentent pas vraiment bon. Autre défaut qui vous rend un petit peu fou, c'est la fainéantise, citée par 25% des sondés. En troisième place, à 18%, le faillotage. Le mec ou la nana dans la boîte qui veut toujours se faire passer pour le pote du patron, la quitte à vendre ses collègues, on a tous ça. Et puis ensuite, on descend à 7%. Et là, il y a pas mal de trucs qui vous énervent. Le fait d'être bruyant, bavard ou encore râleur et indiscret. Un déplacement polémique aujourd'hui. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, va inaugurer la première salle de shoot à Paris. Elle ouvrira ses portes vendredi dans le 10e arrondissement de la capitale. La France est le 10e pays à mettre en place ce genre de dispositif pour les toxicomanes. Des consommateurs qui ne s'y retrouvent plus, des buralistes totalement perdus. Le premier paquet neutre arrive au compte-gouttes dans les bureaux de tabac. On estime que 10% des paquets actuels sont ouverts aux livres et dépourvus de logos et de marques. Ils peuvent être vendus depuis le 20 mai dernier après un bras de fer qui a duré 4 ans entre le gouvernement, les cigarettiers et les buralistes. La France qui vole au secours d'Haïti. La situation sur place est dramatique après le passage de l'ouragan Matthew. Le dernier bilan, toujours provisoire, fait état de plus de 1000 morts. Deux avions vont décoller aujourd'hui en direction de Port-au-Prince. L'un d'eux contient 68 tonnes de matériel, notamment pour purifier l'eau sur place. Match moyen, mais succès pour les Bleus contre les Pays-Bas hier soir. Les Bleus ont été chercher la victoire à Amsterdam et prennent la tête du groupe A ex aequo avec la Suède en vue du Mondial 2018. Score final à 1-0, but de Pogba à la 30e minute. En attaque, plutôt cool, le duo GG Griezmann-Gamero. Didier Deschamps a jusqu'au 11 novembre pour peaufiner ses petits réglages. Prochain match, justement, contre la Suède au Stade de France. Les Suédois qui ont dominé les Bulgares hier, 3 buts à rien. Le Portugal a mis à l'amende les îles Féroé 6-0 avec un triplé de Silva et un but de CR7. Même score en faveur de la Belgique contre Gibraltar avec un nouveau record en Coupe du Monde. Premier but inscrit après moins de 8 secondes de jeu. Bravo les Belges. Ouais, ça a été vite. À suivre aujourd'hui, Allemagne, Irlande du Nord ou encore Slovénie-Angleterre à 20h45. Merci Rémi pour les infos. C'était bien, c'était rapide, on sait tout. Ouais. 8h07 sur Skyrock, c'est l'heure des 1500 euros. Le petit déj de l'équipe. Difool, jus d'orange, café, protéines, Red Bull, vitamine, coca. Cédric, kebab, beurre de cacahuète, beurre, chips, frites, Nutella, fromage, hamburger. Cariole, thé, salade de fruits, fromage blanc 0%. Menteuse. Romano, rien, ça coûte trop cher le petit déj. 6h-9h. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Qu'est-ce que c'est ça, Romano? Ah oui, on vous parlait tout à l'heure des sons que vous aimez écouter mais que vous avez un peu honte d'écouter. Romano, tu as choisi Daboudi Dabouda. Mais il n'empêche, c'est italien. Oui, il y en a plein qui ont laissé des messages. Raph du 71, il aime bien Aboudi Abouda, il nous dit. En fait, ça s'appelle Blue et c'est FL65, c'est le machin, ça, ouais. Là. Mais il y en a d'autres qui ont laissé des messages. Karim aussi, il dit bah Romano, je me sens moins seul avec toi. Non, mais c'est vrai que ça met de bonne humeur. Non, mais il n'y avait pas. Non, c'est pas Rihanna. Il y avait un rappeur qui avait. Florida. Ah, c'est ça. C'est Florida, ouais, qui avait repris, vrai. Ça. Ouais. Mais ça a été repris là il y a pas longtemps en dance techno. Ouais. Non, mais par exemple, regardez, Orelsan, Soprano et Youssoupha, ils ont tous dit qu'ils aimaient Daniel Balavoine et ils ont pas honte. Moi, je vous ai dit Claude François. Eh ben, j'ai pas honte. Maintenant, on est mardi. Attention à l'électricité, Clo-Clo. Ah bah ouais. Trop tard. La Fouine et Stromae qui kiffent Jacques Brel. Quand on travaille, que le ciel est beau. Tu dois faire beau sur les routes. Lundi au soleil. Et merci pour vos messages. Adrien Camaro, lui. Ouais, il y a Cécé qui aime bien Aznavour. Ah oui, Adrien Camaro, j'avais pas vu, dis donc, tiens. Camaro pour Emeline aussi. Camaro a du succès. Et Jean-Jacques Goldman aussi, elle aime bien. Ton cœur, bébé. Puisque tu pars. Ça c'est Jean-Jacques Goldman. Ah, il y a Gesh, il aime Tata Yo-Yo. Ah, mon Tata Yo-Yo. Dans le même style, j'ai Lutèce qui a 20 ans et qui aime la Compagnie Créole. Le bal masqué, il nous dit j'adore ça. Oh, bal masqué. Qu'est-ce que je vous ai réservé ce matin? Jason Derulo avec Talk Dirty. Ah, c'est bon ça. The Weeknd, le nouveau avec Daft Punk. C'est bon aussi, ouais. Et DJ Snake qui arrive avec Justin Bieber. Tout de suite. Et tout de suite aussi, vos 1500 euros à gagner. Et puis on a le réveil de Star qui arrive dans 5 minutes. Notre invité mystère aussi tout à l'heure à 8h20 pour vous offrir l'iPhone 7. Et donc votre gros chèque de 1500 euros, c'est tombé il y a une heure chez Roméo. On va voir si ça tombe maintenant, c'est chez vous. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? C'est Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Et attention, tirage au sort. France Gall, La Rousseau, Hélène et les garçons, La Reine des Neiges. Ouais, c'est bien, j'aime bien Balavoine, nous dit Carmelo. Ah ouais. Au fruit de mes entrailles, il fallait pas. Bah, la Giza. Alors. Tigaligatan, Tigaligatan. Non, ça c'est la compagnie créole, ouais, ouais. Ça. Tigaligatan. T'as vu ça à vrai, quoi. Ah ouais. À vrai beauf. À vrai de vrai. C'est pour ça qu'on l'aime. Bon, alors, Romain, on va où? Allô. Alors, on va dans le 38. L'Isère. Ouais, à Mérieux-les-Étangs. Très bien. C'est Julie Drevon. Eh bien, Julie Drevon, si tu nous écoutes, ma belle Julie, tu vas peut-être gagner 1 500 €. Il faut répondre Skyrock, écouter le morning et répondre Skyrock, ça vaut 1 500 €. Ça rapporte 1 500 €. Ouais. Ah, bouffe-moi, elle vient boire un petit coup à la maison. Vous savez, je suis alcoolique. Viens boire un petit coup à la maison. Oui. Allô. Ah merde. Ah, ah, vas-y, rappelle. Rappelle là parce que elle décroche, elle entend viens boire un petit coup à la maison. Oui. Alors, on rappelle Julie. Comment elle s'appelle? Ouais, ça rappelle. Drevon. Julie Drevon. Ah. À Mérieux-les-Étangs. Allez, Julie. J'espère que... Julie! Julie. Oui, je suis pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. Désolé pour Julie, c'est l'effet veille maman tico. Bon, on rejoue dans une demi-heure. 1 500 € à gagner si vous répondez Skyrock. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. C'est ça, c'est DJ Snake et Justin Bieber. Talk Dirty, gros son de Jason Derulo dans un instant avec 2 Chainz. Talk Dirty, baby. Talk Dirty sur la première radio urbaine mondiale. Et attention, il est très urbain, le voici, le voilà tout de suite. C'est notre réveil de star du jour. Et pour le réveil de star d'aujourd'hui, on a sélectionné pour vous un des futurs participants à Danse avec les stars. Autrement dit, on a quand même pas pris n'importe qui. Oui. Du lourd. On en parlait l'autre jour. Il y a 2 émissions que j'ai du mal à supporter à la télé. Enfin, il y en a plus que ça. Après, bon, t'es pas obligé de regarder. D'ailleurs, j'y regarde pas. Il y a Danse avec les stars parce que. Et sur un tombeau, voici tout de suite Julien Lepers. Ça, j'ai du mal. Il y aura Valérie Damido cette année. Il va être à chier parce que, tu sais, là, il commence à passer des bandes annonces. Et il danse comme une merde. Ah ouais, et le mec, il bouge les bras, mais tu sais, il est très débile, quoi. Bah, tu vois, c'est, ouais, c'est ça. Il y a sa danseuse en face, mais je pense qu'elle doit dire, putain, mais c'est qui ce tocard qu'ils m'ont mis? Elle va craquer, la dame. En plus, le mec est lourd. Mais ce qui va être sympa, c'est le duo Jean-Marc Généreux et Julien Lepers. Ah ouais, les deux, ouais, c'est vrai que Jean-Marc Généreux est particulièrement lourd. C'est un des jurés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le Canadien, ouais. Non, mais en général, à la première émission, il hurle et à la deuxième, il ferme sa gueule parce qu'entre temps, je pense que t'as les mecs de TF1 qui doivent lui dire ferme ta gueule un peu, Jean-Marc. Tu fatigues les téléspectateurs, ouais. Bon, bah écoutez, Danse avec les stars est de retour et Julien Lepers sera dans Danse avec les stars. Et ce matin, eh bien, le voici, le voilà. Il va appeler les familles de France. Elles sont gâtées. Il est très populaire auprès des familles d'un certain âge. Ah, bah ouais. Eh bien, ce matin, on y va. C'est parti. On file direction le réveil de stars. Et on réveille qui ce matin? Ah, bah on va voir ça tout de suite, là, tiens. Tu attends quoi là? Le jingle. Mais je l'ai déjà mis, hein. Mais j'en aimerais un autre. Ah, bah ouais, bah, moi, j'adore les jingles. Faut quand même pas en abuser, hein. Les stars réveillent la France. Le J, le U, le L, le I, le E, le N. Julien! C'est le réveil de stars sur Skyrock. Eh oui. Oulala. Il est très très excité ce Julien Lepers. Déchaîné. Alors, il réveille la famille d'Arnaud, c'est ça? Arnaud et sa famille qui ont la chance d'être réveillés par une star, tout ça grâce à Skyrock. Eh ouais. Allô? Je n'entends pas! Oui, attends, j'entends rien parce qu'Arnaud met la musique dans la douche, j'entends rien. T'entends, mais c'est quoi? Mais c'est quoi ce délire? Attends, je ferme la porte, j'entends rien. Attends, rien. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. C'est qui? C'est Marie-Noël. Comment tu vas? Ouais, ça va bien, oui. J'ai des questions pour vous. Ah. Oui. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Bah non, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de ballon dans Question pour un champion. Parce que Julien Lepers. Oh! Comment dire ça, Arnaud, hein? On ne souffle pas, on ne dit rien. Bah moi, je ne regarde pas de trop, hein, Mosso. Hein. C'est quoi ce délire? Et je te passe Arnaud. C'est Arnaud. Allô? Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va? Je sais que tu nous adores. Ouais, et vous êtes qui? Le J, le U, le L, le I, le N. Julien! Lepers! Julien! J'ai des questions pour vous. Oui, bah je t'écoute, ouais. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi il n'y a pas de ballon dans Question pour un champion? Non, pas du tout. Je regarde pas toujours Question pour un champion, je regarde jamais. Julien Lepers! Ah, d'accord. C'est Julien Lepers. Question pour un champion, ça m'appartient. Ah bon? Ah oui. Donc tu gagnes du pognon, alors? Mon cul. Ah bon? Ah oui. Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Rien du tout. Une turlute? Non, même pas. J'aimerais bien. Ah bon? Ah ouais. Bah, tu vas voir une dame qui s'occupe de ça, puis elle va t'arranger ça. Miam, miam, miam. Ah, voilà. Je me mets à genoux devant toi. Non, mon gars, tu peux t'amuser, tout seul. J'aime bien quand on me flatte. Ah non, j'arrive pas, moi. Mais là, je m'aime beaucoup, j'ai envie de m'embrasser, là. Oh, tu me casses les couilles, toi. Faut pas m'emmerder. Ouais, bah moi non plus, d'ailleurs, je te coupe, là. Et voilà. J'appelle les flics tout de suite. Bah vas-y. Merci, Juju. Hey, Julien Lepers, bon contact avec la famille, j'adore ça. Ah ouais, très bien, ouais. Arnaud, la femme d'Arnaud, Arnaud qui écoute du son, il est prêt à rentrer dans Danse avec les stars. Il faisait une petite choré peut-être dans sa douche. Ouais, peut-être, ouais. Bon, bah bonne douche à vous si vous réveillez, que vous êtes branché sur Sky dans la salle de bain. Vous étiez comme Arnaud et sa femme dans la douche, c'est la classe. Merci, Juju. Les stars réveillent la France. Oh là là, il est beau ce match, il est beau, je l'aime, mon jeu, il est beau, mon jeu. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Get jazzy on. I'm that flight that you get on. International. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Oh, yeah. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Jazzy on them. You know the words in my songs. No habla English. Oh. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them wants. London to Taiwan. my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. You can suck my butt. Gilbert Arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International oral sex. Every picture I take, I pose a threat. Bone and jet, what you expect? Her f- so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on a big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on a big booty. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Jason Derulo et 2 Chainz sur Skyrock, on écoutait Talk Dirty. Et attention, il faut bien écouter maintenant, c'est l'heure de l'invité mystère. Écoutez bien sa voix, découvrez-la et gagnez votre iPhone 7, un iPhone 7 qu'on vous file. Vous avez bien fait de vous brancher sur Skyrock. L'acheter, c'est trop cher. Le gagner, c'est quand même c'est bien mieux. Cool. Ah oui, c'est moins cher. Tous les matins, on vous enfile plein des iPhone 7. Il est pour vous et on va parler d'une grande star, d'un artiste Skyrock en plus. Une star américaine au bord de la crise de nerfs ce matin. Oula. On va tout vous expliquer. Il est en train de craquer. Vraiment, hein, il craque. Il craque. Ouais, le voici tout de suite. L'invité mystère. L'invité mystère. Ouais, tu es une rockstar et tu es une des plus grandes rockstars du monde. I'm the number one rockstar on the planet. I'm the one rockstar on the planet. Oh wow. Et modeste en tout cas. The number one rockstar. Oui, c'est vrai. C'est, fou, hein. c'est la modestie, c'est son truc. Oui. I am the number one most impactful artist of our generation. Voilà, je suis celui qui impacte le plus, l'artiste qui impacte le plus sur notre génération. Ouais. C'est lui. I am Shakespeare in the flesh. Tu es Shakespeare, mais ouais. Voilà, là, c'est bien. Ouais. Là, il est parti. Okay. T'es parti, okay, ouais, Shakespeare. Ouais. Bon, il est au bord de la crise de nerfs. Ça va plus du tout dans sa life. C'est la crise. Il y a pas une semaine où il fait pas parler de lui avec sa femme. Ah. Je vous donne un petit indice. Ah. C'est important, cet indice. Ah. Vous envoyez vos réponses dès maintenant. Vous l'avez reconnu. Non, c'est pas Jay-Z. C'est pas Eminem. Ah, ça cherche. Vos messages au 41-759. Ou alors avec votre appli Skyrock. Téléchargez l'appli Skyrock. Vous envoyez des messages, c'est gratuit. Elle est gratuite, elle est pas chère. Et, ouais, et vous gagnez, gratuit aussi, l'iPhone 7. Ce n'est pas Snoop Dogg. Non plus. Ce n'est pas encore Jay-Z. Non, c'est le number one in the world. The number one artist in the world, rockstar. I'm the number one rockstar on the planet. Yeah. Alors, c'est qui? Vos réponses très vite et on vous retrouve en direct et on vous raconte tout sur ce qui se passe dans sa life. Dure la vie de star. Dure, vous allez voir. 8h24 sur Skyrock. Bah, pourquoi tu cries? Et voilà, il rentre plus dans son jean. Mais non, je suis énervé, là. Je viens de me raser avec un Bic 3 lames, ça rase super bien! Bah alors, pourquoi tu t'énerves? Et bah parce que j'ai payé le prix fort pour mes rasoirs pendant des années, alors que le Bic 3 lames rase très bien, tout en douceur. Et pour pas cher! Les rasoirs Bic 3 lames, être bien rasé? Oui! Se faire tondre? Non! En ce moment, retrouvez Bic 3 et Bic Flex 3 Confort en promotion dans votre magasin. Sympa ton nouveau salon. Merci. Attends, laisse-moi deviner. Hein. Canapé, table basse, bibliothèque, meuble télé, lampe tapis. Allez, je dirais 687 euros. Ouais, comment tu sais? Yes! Bah voilà, j'ai gagné, j'emporte tout. Tiens, tu m'aides à prendre le canapé? Non mais qu'est-ce que tu fais? Repose ça! Ah, si tout était comme chez Ikea. Pendant les journées qui changent tout, devinez le prix de l'une de nos 4 pièces mystères pour la gagner. Du 14 au 15 octobre dans votre magasin Ikea, jusqu'au 16 octobre pour les magasins d'Île-de-France et Caen. Conditions sur Ikea.fr. Ikea! Showroomprivé.com présente une robe à petit col comme portent les people, un joli sac à main comme portent les mannequins, une jupe vraiment in comme dans les magazines, des escarpins classiques comme dans les quartiers chics. Au bureau, elle cartonne avec showroomprivé.com. Les grandes marques jusqu'à moins 70%, c'est tout le temps, donc c'est maintenant sur showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir.

Non, on te l'envoie. T'inquiète, c'est pas Romano qui fait les envois. Hein. Non. Rassure. Ouais, mais j'espère que t'inquiète. Je suis sûr de pas le voir. Hein. C'est clair. Alors, Kenny West, t'auras la boîte. Qui est super modeste. Il y a quelques citations de Kenny West. 50 Cent est le rappeur préféré d'Eminem. Et moi, je suis mon rappeur préféré. Ah, bah, très bien. Ah, ouais, très modeste. Mal. Mon plus gros regret dans ma vie, c'est que je ne pourrai jamais me voir en concert. Pour moi, dire que je ne suis pas un génie, c'est vrai, il est con. C'est pas con, Karim. Pour moi, dire que je suis pas un génie reviendrait à vous mentir et à me mentir à moi-même. Mais tu es un génie, Kenny. Et sinon, je suis sans doute le Steve Jobs de la mode, de la culture. Point. Et de loin. Eh ben. Alors la mode, ça s'est mal passé à la Fashion Week la semaine dernière, pas seulement à cause de l'histoire de Kim Kardashian, mais également à cause de son défilé qui était un flop total. Vous savez qu'il a une marque de fringues. Ouais. Le défilé catastrophique, une horreur. Tout le monde a trouvé ça tout pourri. C'est vrai. Mais en fait, ce qui s'est passé, énervé, c'est que le mec, il a fait ça dans un espèce de parc. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a laissé les mannequins statiques, mais pendant des heures en plein soleil. Déjà, t'en as la moitié qui sont tombées dans les pommes. Les autres, ils ont fondu. Et lui, il est arrivé. Et en fait, les meufs, elles s'écroulaient les unes après les autres. T'aurais dit un jeu de domino, quoi. L'arme catastrophe, donc son ouais. Son défilé. Les gens ont dit que c'était un peu de la merde, ces fringues. L'histoire de Kim Kardashian l'a bouleversé également. Et on le comprend. Bon, ça, à la limite, normal. Ouais. Et selon un membre de son entourage, il a viré 30 personnes de son équipe tellement il était énervé en faisant une crise de nerfs. Et il ne dort plus et il perd beaucoup, beaucoup de poids. Ça lui fera pas de mal. Ouais. Ça, non, mais c'est vrai, ça lui fera pas de mal à Kenny. Oh, il est pas gros. Il est pas gros, mais perdre un petit 5 kilos pour Kenny West, c'est pas mal. Donc Kenny West, ça va plus du tout. Hein, c'est la crise. Le génie est en crise. C'est la crise. Ah, et puis c'est le mec qui a la classe, les filles. Sophia, ça va te faire rêver, tu vas voir. Il a déclaré, quand je fais l'amour, parfois, il m'arrive de baiser avec mes Timberland aux pieds. Waouh. Wow. Je sais pas s'il est drôle ou pas, lui. Peut-être qu'il pue des pieds, hein. Ouais, peut-être. Non, mais c'est un problème, c'est peut-être ça, ouais. On peut être un artiste et puer des pieds. Hein. Ah ouais. C'est possible. Bravo, Sophia, l'iPhone 7, on te l'envoie à la maison, puis on te fait de gros bisous. Merci, vous êtes au top, en tout cas, continuez comme ça. Et ben, toi aussi, fais un bonjour à tous les Bordelais qui nous écoutent. Merci. En tout cas, il y a le soleil ici. On vous l'envoie à Paris. Ah, c'est gentil. Ouais, ça fait du bien. Ouais, nous, nous, c'est gris, nous. À Courbevoie, oui, c'est gris. Là, oui, ça, c'est sûr. C'est gris. Ouais, bah, c'est Paris, quoi. C'est grisounet. Merci. Bon, merci. Salut, Sophia. Ciao. Ciao, bisous. Ciao. On vous offrira Jules. Merci à toi. Merci, bisous, bisous. Jules l'a gagné tout à l'heure sur Skyrock. Et oui, vous allez pouvoir gagner vos concerts de Jules. Il est en concert, sa première tournée. C'est avec Sky. On le salue, Jules. Jules. Oui, et du son à écouter. The Weeknd et les Daft Punk qui arrivent juste après les infos. Du Drake. Ah ouais, tiens, on redonne la news. Si vous n'étiez pas à l'écoute de Skyrock hier, écoutez Skyrock tous les jours. Bah oui. Et oui, on a appris qu'il venait en France, Drake. Il arrive le 11. Ancien Skyrock. Et le 12, c'est ça? 12 ou 13, je sais plus. C'est au mois de mars. C'est au mois de mars. Ouais. Je crois que c'est le 12 et le 13. Hein, bah c'est les deux en fait. Hein. 12 et 13 mars. Ouais. Avec Skyrock à ne pas louper. Les places sont en vente déjà. Dépêchez-vous, ça va aller vite. Hein. Drake en concert, on l'écoutera avant 9h. Du Sopra aussi, l'invité de Planète Rap, à écouter tout à l'heure. Et les infos de Rémi tout de suite à 8h33. On va faire le point sur l'actu, Rémi. On va démarrer par la météo. Ouais, bah météo automnale aujourd'hui, frais et sec, vous l'avez remarqué, sauf sur la côte d'Azur et la Corse où là, la pluie est attendue partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies, des brumes matinales également, un soleil bien visible un peu plus tard, même si ça reste couvert ce matin en Île-de-France, dans le centre et sur le nord-est. Les températures ce matin, elles sont comprises entre 0 et 12 degrés. On a 5 en région parisienne, de 10 à 16 au meilleur de l'après-midi et jusqu'à 18-20 même dans les régions du sud. Et puis la pollution, ça reste acceptable. Les indices compris entre 2 et 4, 5 à Paris, Rouen, Lille et Poitiers. Et on va parler voiture qui déchire ce matin dans les conseils pas chers avec toi, voiture Romano. De luxe. Quelle est la voiture que vous vous offriez si vous gagniez par exemple les 166 millions de l'euro million de ce soir? Ah, Bugatti Veyron. Quelle est la voiture que vous achetez? Tiens, dites-nous, 41-759, tu veux jouer, Romano? Ah, je vois quoi? L'euro million? Ah ouais, il faut que j'y pense, ouais. Bah, vous allez voir ce soir, soyez à l'écoute à 21h, il va avoir oublié de jouer. Parce qu'en fait, quand il va au tabac pour reprendre ses tickets, il a comme une répulsion, il arrive pas à sortir son portefeuille tellement il est radin. Ouais, c'est quand même 2,50 balles, hein, la grille. Ouais, mais j'ai une technique, tu peux jouer avec ton iPhone et là, tu vois moins passer la thune. Ouais, mais elle part quand même. Elle part quand même. Oui, mais ça se voit moins. On le sent moins. Bon, on y revient. La voiture de luxe ou la voiture de vos rêves, c'est quoi? Vous nous dites et puis on fait le point sur l'actu tout de suite. L'actu et le sport. Mais le policier blessé à Viry-Châtillon, toujours dans un état critique. Ce matin, à l'hôpital, l'adjoint de 28 ans a été plongé dans le coma artificiel. Il a été, vous le savez, la cible de jets de cocktail Molotov et souffre de grandes brûlures. Un appel à témoins a été lancé pour retrouver les agresseurs. Le syndicat policier Alliance appelle à une grève du zèle. Une grève du zèle dans l'Essonne. Alors, les gardiens de la paix n'interviennent que sur demande. Et pour les urgences les plus graves, ils demandent au gouvernement et aux candidats à la présidentielle de tout mettre en œuvre pour disposer de moyens supplémentaires. Ils ont été vexés, en fait, de la réaction de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, hier, qui a dit que les agresseurs étaient des sauvageons. Ils attendaient un petit peu plus de la part du gouvernement. Une mère et ses trois enfants interpellés à l'aéroport de Roissy. La famille aurait quitté l'Isère en 2014 pour rejoindre la Syrie. Le père, qui était apparemment parti faire le djihad, serait mort l'an dernier. La mère est toujours entendue ce matin. Elle a été expulsée depuis la Turquie. Gracié, toujours pas innocenté. Connaîtra-t-on un jour le fin mot de l'affaire Omar Radad? Le jardinier a longtemps été accusé du meurtre de sa patronne, une riche veuve dans les années 90. Affaire rendue célèbre par le message « Omar m'a tué » retrouvé en lettres de sang sur les lieux du crime. Des scellés ont été analysés et ne comportent aucune trace ADN d'Omar Radad. Les enquêteurs vont désormais le comparer au fichier national pour tenter d'y trouver une correspondance. Le cauchemar de Samsung, qui vit peut-être la pire crise de son histoire. Le géant sud-coréen n'arrive pas à sortir là de cette polémique liée au Galaxy Note 7. Les téléphones sont de véritables bombes à retardement. Ils explosent là sans raison partout sur la planète. La marque conseille à tous les utilisateurs d'ailleurs d'éteindre le téléphone de toute urgence. Les ventes sont officiellement suspendues. Pas d'échange non plus. Donc si vous avez un Note 7, ça sert à rien d'aller au magasin pour en prendre un autre. Vous n'en aurez pas. Une enquête est en cours, mais pour l'instant, très très peu de communication. Oui, ça sera pas. De toute façon, si vous en donnez un autre, il risque d'exploser aussi. Donc. Oui, non, mais ils auraient pu à la limite, tu ramènes le Note 7, puis on te donne un Edge, ou je sais pas, ou un S7, ou non. Un S6, mais non. Non. Que dalle. Bon courage, Samsung. Allez, les bleus. Et oui, les bleus du foot qui sont venus à bout des oranges. Ouais. Pays-Bas. Victoire 1-0 contre les Pays-Bas après cette petite finale du groupe A. Magnifique but de Pogba à la 30e minute après une frappe puissante à l'extérieur de la surface. Prochain objectif, gagner contre la Suède. Tous les joueurs retourneront en club et Didier Deschamps a un mois pour peaufiner sa stratégie. Rendez-vous est donc pris le 11 novembre au Stade de France. Et puis d'ici là, les Bleuets sur le terrain en marge de la qualification à l'Euro. Les espoirs se déplacent sur la pelouse de l'Irlande du Nord. C'est ce soir et c'est à 18h45. Merci Rémi pour les infos. Il est 8h36 lors des 1500 euros sur Skyrock. La nuit a été courte. La journée sera moins longue avec le Morning de Default sur Skyrock. Et on vous remercie d'être là tous les matins et on va peut-être vous remercier avec un chèque de 1500 euros. Et oui, les auditeurs de Skyrock, vous tous, nous tous, on est privilégiés. On peut gagner 1500 euros quand on répond Skyrock. Ouais. C'est ce qui s'est passé avec Roméo ce matin. Il est dans le 60, Roméo. Et il a gagné les 1500 euros. Il est à l'écoute de la radio en plus, Roméo. Ouais. C'est bien. Vous écoutez Skyrock, vous répondez Skyrock, vous gagnez 1500 euros. J'ai l'enveloppe entre les mains et Romano, lui, a ses conseils pas chers en préparation puisqu'on va les retrouver dans 5 minutes. Là. Et on va parler voiture de luxe. Oui, quelle est la voiture? Moi, j'achèterais bien une Lamborghini ou une Ferrari. Ferrari, c'est joli. Hein. Mais rouge? Ouais, rouge, ouais. Bah, elles sont jolies en noir aussi, ouais. Ouais, sinon en grise elles sont belles aussi. Non, en jaune elles sont très très belles. Ah, jaune, non, laisse tomber. Ah, moi c'est pour moi je la prendrais tout sauf en jaune. Ouais, moi une Ferrari, je la prends même avec des fleurs dessus hein. Vous me la donnez. Ah non, mais jaune c'est moche. Au pire tu la repeins. Au pire. Oui. Hein. Moi j'aime bien l'Audi R8 moi. La Audi R8 pour carrière, ouais, ta voiture de rêve. On va mater tous les messages que vous déjà passe le permis. Oui, parce que Romano te l'offrira pas. Hein. Non, je compte pas me l'acheter, c'est pas dans les projets. Voiture de rêve, Audi R8 pour carriole. Rémi, t'as dit quoi toi? J'aime tellement les voitures que j'en prendrais plusieurs, mais Bugatti Veyron, j'adore. Bugatti Veyron, ouais. Mais jaune? Non, une petite noire ou blanche. Non, noire ou blanche. Non, pour Rémi, c'est rose. C'est sa couleur préférée. Quoi, c'est rose, tous les matins, il arrive habillé en rose. Mais quel il est mignon. Mais mignon. Quel mytho. Une Maserati, non, ça vous branche, c'est rose. Ouais, Maserati, elles sont jolies aussi. Ouais, j'aime la Maserati, ouais. La Lamborghini Spider pour Skyrock 49, t'as raison. Une Ford Mustang Cherokee. Karim? Aston Martin, moi. Une Aston Martin. Pas mal, ouais. Très bien. Pas mal les Tesla aussi, là, les nouvelles. Ouais, c'est vrai, j'en ai vu. Pas les Tesla là. Coûte cher. Hein. Ouais. Ah oui, ça coûte cher, ouais. Et bon, t'as pas le permis parce que tu n'as pas l'âge encore d'avoir le permis. C'est triste. Sam a 12 ans. Ouais. Et oui, il est jeune. Ouais, c'est bien. Et c'est quoi ta voiture préférée? Ma voiture serait une Camaro. Une Majorette. Une Camaro. Une Camaro 68, ouais. Comme noir. Le chanteur. Ouais, c'est ça. Ton cœur. Bébé, ton cœur. Bon, justement, une voiture, tu veux récupérer une voiture chère dans les conseils? Ouais, c'est ça. Je vais vous expliquer comment récupérer peut-être une Porsche. Ah ouais? Porsche, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Aston Martin, Bentley, j'ai tout ce qu'il faut. T'as tout? Sans doute. Bon, on écoute ça dans un normalement, instant. Normalement, si tout est prévu, on a tout. Eh ben, dans un instant. Après The Weeknd et les Daft Punk pour Starboy. Et après les 1500 euros tout de suite. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show! Et hop là, j'ouvre l'enveloppe. 1500 euros à gagner. Pour qui ce matin? Si vous nous écoutez. Ah! En Bretagne, les Bretons, c'est pour vous. Ils sont allés la semaine dernière à Guingamp ou à Saint-Brieuc la semaine dernière, si je me souviens bien. Et là, on va où? Et là, on va à Quimper. Hein, on change de département, on est dans le 29. Les Bretons de Quimper, attention. La Bretonne, plus précisément, parce qu'elle s'appelle Aurore. Aurore Kernes. Bonne chance, Aurore, 1500 euros. Oui, allô. Bonjour, Aurore. Bonjour. Salut, Aurore. C'est la radio, Aurore. On est en direct à la radio ce matin. Oui, c'est Skyrock. Mais... Ah, je ne peux pas te dire, je ne peux pas te répondre. Ah non, pour le moment, secret. Je suis obligé de rester secret jusqu'à ce que je te demande quelle est ta radio préférée, Aurore. C'est Skyrock. Eh ben c'est gagné là. Je peux te le dire, on est sur Skyrock et t'as gagné 1500 euros. Ouais. Ouais. Ouais. Eh ben super, Aurore. Présente-toi un petit peu. Bien joué. T'as quel âge? Tu fais quoi? On sait que t'es de Quimper et que t'es en Bretagne. Bah, j'ai 26 ans et je suis en congé parental parce que j'ai mon petit garçon qui a eu 4 mois il y a 2 jours. Ah bah félicitations. Eh, c'est mignon. Tu vas pouvoir lui acheter des baby gros, des baby gros, des couches. Tu vas pouvoir t'éclater. Exactement. Avec, comment il s'appelle ton bébé? Liam. Comment? Liam. Très bien. Oui. Eh ben Liam, il va pas comprendre, mais sa maman, elle a gagné 1500 euros. Il sera fier quand il apprendra ça. Elle a plein de sous. Ouais, bah, je dirai à ma fille aussi ce soir. Ah très bien. T'es équipée toi à la maison, c'est bien. Ah je suis équipée, ouais. Et comment s'appelle ta fille? Qu'on fasse un bonjour. Alors ma fille a 3 ans et demi. Elle va sur ses 4 pour le 20 décembre. D'accord. Et son prénom? Serena. Eh bien, on fait une grosse bise à Serena, une grosse bise à Liam. Serena, non? Et Liam. Et ouais, et une grosse bise à toi surtout, Aurore. Hein. Super. Eh ben, c'est gentil, merci. T'as gagné ton chèque de 1500 euros. Tu vas pouvoir t'éclater, faire plaisir merci à toute la beaucoup, famille. En tout cas. Eh ben, ça nous fait plaisir. Puis, bah, profite de ta journée, de tes congés parentaux pour écouter Sky. Profite bien, Aurore. Ah ben, je t'écoute tous les matins pour amener ma fille à l'école. J'ai vu. Eh ben, super. Bah, bise à toute la famille et bravo. Bisous, bisous. Bisous à vous. C'est bien ce matin, on a eu un garçon et puis une fille, toi, Aurore, et puis Roméo tout à l'heure. C'est parfait. Parfait, ma journée va être bien, commence bien du coup. Oh, je pense que ça commence pas mal, pour nous aussi. Bon, si on gagnait 1500 euros, ça serait encore mieux hein. Mais on va s'inscrire au 720-20. On va envoyer 1500 au 720-20. Ça augmente les chances de gagner. Vous nous envoyez votre message et on vous appellera peut-être pour le prochain coup sur Skyrock. Sans problème, bisous. Eh ben, c'est gentil, merci, bisous à vous. Bisous à toi, raccroche pas, on t'envoie le chèque très vite là. Ça marche, merci. Ça marche. Ciao. Salut. Et c'est sur Sky, seulement sur Skyrock, 1500 euros à gagner toutes les demi-heures dans le morning. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait... Non, putain, non, je suis refait là. Dès le réveil, dès le réveil. Et le morning qui vous fait découvrir les meilleurs sons. La première fois, c'était dans le morning, c'était sur Skyrock. Le son de The Weeknd tout de suite, avec les Daft Punk qui déchirent ce morceau, c'est Starboy. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Main bitch out of your league to. Side bitch out of your league to. Centerpiece, 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you got. I'm a motherfucking star boy. Nigga try to test me, every day a nigga try to end me, pull off in that roadster SV, pockets overweight getting hefty, coming for the king, that's a far cry, I come alive in the fall time, the competition I don't really listen, I'm in the blue moon sun bumping new edition, house so empty need a centerpiece, 20 racks a table come from ebony, cut that ivory into skinny pieces, then she clean up with her face, but I love my baby. Money need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I like to get any lane. Switch on my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. So empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. I'm Weekend, Starboy, avec les Daft Punk sur ce morceau. Drake arrive dans un instant, les conseils pas chers, c'est tout de suite. Et merci pour les messages que vous nous avez laissés. Et j'ai envie de vous dire en voiture Simone. En voiture. Et pourquoi pas en voiture D-Fool? Non, c'est en voiture Simone. Je m'appelle pas Simone, moi. Allez, en voiture Simone. Il est Lamborghini, ont un succès ouf, hein, quand même. Ouais, Lamborghini Spider, tiens, pour Skyrock 49. Ouais, bah Julien Bobobo nous dit Lamborghini Veneto. Une Maserati pour Roseau. Raph Knight des Bouches du Rhône, 32 ans, lui veut une Rolls Royce Fantôme. Ah, c'est gros, hein. Ouais, c'est trop gros pour moi, les Rolls. une Ford Mustang Cherokee pour. Ouais, c'est joli, ça. Ouais. Une voiture qui roule me suffirait déjà amplement pour Kevin Badgone. Salut, Kevin Badgone. Et original, message de Mika du 71, 21 ans, Saône-et-Loire, dans ta patrie, Romano. Ouais. Une 2 chevaux tunée avec des flammes dessus. Une petite de Dush. Mais n'empêche que maintenant, ça vaut cher, si c'est recherché, hein. Ouais, j'en ai vu une l'autre jour. Putain, ça roule à 2 à l'heure, ce bordel. Ah oui, oui. C'est, bah, en Paris, fait, c'est 2 chevaux, mais c'est surtout 2 km/h. Ah ouais. Mais à Paris, ils font ça aux touristes. Tu sais, ils les promènent en 2 chevaux dans Paris. Ouais. Ah. Je savais pas. C'est pour ça que des fois t'en vois. D'accord. Moi j'aime bien les petites Fiat 500, mais les anciennes, les ouais, petites yaourts. Ah, les petites yaourts. Elles sont trop mignonnes. Mais ça c'est pareil, ça coûte cher maintenant. Ouais. Oh, pas forcément, j'en ai vu, j'en ai acheté une moi. Ah, c'est très mignon. Qui va se faire rouler le truc. J'en ai trouvé une à 1500 euros. Ah ouais, faut vérifier. Ouais, mais attends, non, alors, en soi ça vaut plus rien. Non, mais de collection et tout, toute neuve. Oh, le moteur refait, elle roule. Ah ouais, le moteur il a fait. J'attends de gagner sur Skyrock. On m'appelle, je réponds Skyrock, je gagne, j'investis immédiatement. L'achète cash. Ouais, cash. J'ai pas de voiture moi. Eh ben ouais, tiens, tu vas avoir de l'allure là-dedans, tiens. Eh ben ouais. Ah ouais. Je vous emmerde. Le nez au vent. Non mais ouais, le nez au vent. Ma petite Fiat 500. Bon, en tout cas, moi, c'est vrai que plus dans la voiture de haut de gamme. Ouais, à choisir, je préfère une Ferrari. Mais bon, hein, chacun son truc. Merci pour tous les messages. Ferrari, Lamborghini, Ford Mustang, une GT 500 Super Snake. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être super. Rien que le nom, il déchire. Magnifique. Et Romano, ce matin, tu vas nous expliquer comment récupérer des voitures pas chères. Pas chères. Après Alice au pays des merveilles, c'est Romano au pays de l'oseille. Ah les ouais. Conseils pas chers sur Skyrock. Romano au pays de l'oseille. Non, j'aimerais bien vivre au pays ça. De l'oseille. Tu sais, j'imagine, il y a des arbres, t'as des billets dessus. Ouais, c'est ça. Et tu les prends. Ouais. Là, moi, je passerai ma journée à faire ça, quoi. Accueillir des billets. Alors, c'est la police des Pays-Bas. La police des Pays-Bas vend ils avaient une Porsche 911 bien avant tous les pays les Émirats, tu sais, où les là-bas ils roulent ouais. en super bagnole les keufs. Ouais, les voitures c'est écrit police dessus, mais c'est des Ferrari, c'est des Porsche, des Bugatti, ouais. Bugatti. Eh ben la police des Pays-Bas met en vente sa Porsche 911 entre 90 000 et 150 000 euros si ça vous intéresse, et en cadeau ils mettent les habits de policier et les menottes. Ah, ça c'est la classe. Tu peux t'habiller en keuf après. C'est disponible sur eBay. Et après ils arrête en disant usurpation d'identité, vous êtes fait passer pour la police. Alors moi, j'ai trouvé la combine, je suis policier. Ouais. Je suis même le commissaire Lapince. Et ce matin, on va appeler des vendeurs de grosses voitures. Et je vais leur dire qu'on est obligé de réquisitionner pour une affaire policière. Ah, et là, c'est gratuit. Ah, bah là, ouais, c'est gratuit. Pas mal. Ouais. Mais ils ont le droit, la police, de réquisitionner ta voiture. Ouais. Ah ouais, ils ont le droit. Hein. Si vous travaillez dans la police, faites-vous un week-end avec une Ferrari, hein. C'est pas chier. Hein. Sortez votre carte de police. Oui, police, je réquisitionne Ferrari. Vous amenez votre meuf dans votre Ferrari, c'est la classe. Hein. Là, c'est pour une Porsche. Allô. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Commissaire Lapince du commissariat central à l'appareil. Oui. Je vous appelais concernant votre Porsche. Oui. Oui, vous l'avez toujours. Bien sûr. Oui, donc on va vous la réquisitionner pour une journée. Hein. Pour une affaire judiciaire top secret. Ah bon? C'est une histoire de go fast, mais on peut pas vous en dire plus. On est obligé de partir à la poursuite de bandits qui ont des grosses voitures, et donc on est obligé de réquisitionner des voitures, c'est ça? Donc on vient chercher votre Porsche, là, ce matin. Ça marche. Et on vous la ramène demain matin. Allez, parfait. Eh ben, nickel. Bon, ben, je suis là à 9h. Ça va, super. Passe l'aspirateur dedans, hein, je suis allergique. truc aux poussières, tout ça. Ouais, mais c'est bien. Et tu fais le plein, s'il te plaît? Justement. Merci, le commissaire Lapince te remercie. À tout à l'heure, 9h. Ça sera le point de rendez-vous. Bravo. Bien joué, gros. Déjà une Porsche. Et une Porsche. Qu'est-ce qu'on a d'autre en stock? Là, on va chez Alfred pour une BM. Alfred? Ouais. Sinon, t'as quoi d'autre comme bagnole? Aston Martin, Ferrari. Bah, j'aurais préféré une Ferrari, une Aston. Petite Féfé, c'est pas mal, hein. Bon, BM, c'est pas mal non plus, mais bon. Ça, c'est moi ce week-end dans ma Féfé. Ah, impressionnant. Ouais, week-end dans la Féfé. Bonjour. D'être sur la mer. Tiens, on va pour une Ferrari là. Ah, tu voulais la Ferrari, on a changé, Romano. Allez, Ferrari pour toi. Oui, bonjour monsieur. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapince du commissariat central. Oui. Oui, je vous appelais concernant votre Ferrari. Mm-hmm. Vous en avez toujours? Toujours. Eh ben, on va venir la réquisitionner ce matin là pour une semaine environ. Non, mais ce serait bien. Pour une affaire judiciaire, et comme ça on partira en vacances 2-3 jours après. Non, mais c'est bien. Donc je viens la chercher à 9h10, parce que à 9h je suis déjà sur une Porsche. Et à 9h10 je viens chez vous, je récupère, vous faites le plein, vous faites le ménage dedans. Allez, c'est bon. Vous laissez pas traîner vos affaires, merci. Donc je serai là à 9h10. D'accord. À votre domicile. Je vous remercie de votre coopération. Merci beaucoup. La police nationale vous remercie, vous paiera l'apéro. Bonne journée. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Et le commissariat central est content ce matin. Ouais, tu m'étonnes. T'es content, Romano? Ah, pour fêter ça, on va boire l'apéro. Très bien. Allez. Comme les vrais. Et avant 9h, avant de boire l'apéro, avant que t'ailles chercher ta Ferrari, fait. Ouais, ouais. Pas mal. On va parler aussi. On va parler des vengeances des ex. Est-ce que vous avez déjà eu une ex ou un ex qui s'est vengé? Ou vous-même? Vous êtes-vous vengé déjà d'un ex? On fera un tour de l'équipe. Et on fera surtout la compile du morning. La compile de ce matin, les vengeances des ex dans l'actu. Ils ont fait la une de l'actu parce qu'ils se sont vengés. Elles ont fait la une de l'actu parce qu'elles se sont vengées. On va découvrir tout ça. Notre compile. J'adore la compile du morning. Oui, c'est avant 9h et puis dans un instant, dans une minute même, l'horoscope de l'amour sur Skyrock avant Drake. Carrefour. Oh, fais voir tes ongles, Claire, c'est quoi toutes ces couleurs? C'est les vernis Colourpop I Love Pros. J'ai complètement craqué pour eux. En plus, ils sont à seulement 1,90€ en exclusivité chez Carrefour. Et ils ont même été récompensés aux Victoires de la Beauté 2016-2017. Ah d'accord, je comprends mieux. T'as vu, il y a 28 teintes. Alors sur ce doigt, j'ai mis Pêche Melbar, la Chippy, la Citron Givré. Jusqu'au 24 octobre, Carrefour fait place à la beauté. Découvrez les vernis I Love Pros à 1,90€ seulement dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour. Eh hey, dis donc, on s'est fait cambrioler pendant les vacances. Mais il y avait pas d'alarme? Bah non, il y a les voisins. Et les voisins, ils ont rien vu? Vous avez remarqué que même quand on est en confiance, même quand on est bien entouré, on n'est pas à l'abri des mauvaises surprises. Le truc, c'est que les voisins étaient en vacances avec nous. Avec le système de télésurveillance du Crédit Agricole, quand votre alarme se déclenche, des professionnels interpellent les intrus et font appel aux forces de l'ordre si nécessaire. Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Centre de télésurveillance certifié APSAD, détails sur crédit-agricole.fr. Et l'horoscope sur Skyrock, c'est parti, l'horoscope de ce mardi 11 octobre. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. On va tout vous dire, les puissances amoureuses sur une échelle de 0 à 5. Comme tous les matins, on découvre l'horoscope de l'amour. Les Sagittaires, les Béliers, 0 aujourd'hui. Attention, une qualité peut devenir un défaut dans l'amour. Attention à votre franchise aujourd'hui, vous êtes franc et franche. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Évitez de vexer vos amis, en gros, et votre chérie aussi. 1 sur 5, les Poissons et les Vierges, vous serez dans votre bulle aujourd'hui. Les autres ne seront toujours pas, ne sauront pas comment s'y prendre avec vous. Aidez-les, vous verrez, tout ira bien. 2 sur 5, les Scorpions et les Lions, les célibataires. Ne cherchez pas que des points communs avec les autres. On peut également s'enrichir des différences des autres. Et pour les couples, maîtrisez votre jalousie. Ça évitera une prise de tête qui sert à rien aujourd'hui. C'est pas mal ça. 3 sur 5, les Verseaux et les Gémeaux. Bah, pour vous, c'est bien. Un mardi à la cool. Vous serez calme, détendu et séducteur et séductrice. 4 pour les Poissons. Non, pour les Taureaux, pardon. Et les Balances. Taureaux, Balances. Vous avez 4. Vous mettrez l'ambiance aujourd'hui. Hein. Vous êtes de bonne humeur. Vous éclaterez les autres. Vous avez tout ce qu'il faut pour séduire. Et pour finir, les Capricornes et les Cancers, 5 sur 5, c'est vous le vrai rayon de soleil de ce mardi. Vous serez le rayon de soleil de ceux qui vous entourent aujourd'hui. Ah mais tu brilles, dit foule. Je brille. Ah, mais... Vous allez briller tout au long de cette journée, c'est magnifique. Capricorne, Cancer, c'est nous les meilleurs. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Sur Skyrock, Drake en concert avec Skyrock au mois de mars prochain. Il arrive en France, il arrive à Paris, deux dates à Paris en plus. Hein. Ouais. À pas louper Drake, on vous en reparlera sur Skyrock. Si vous voulez les places, d'ailleurs elles sont en vente, vous pouvez aller les choper là. Allez-y, ouais. Allez-y, vous allez sur le site Skyrock. Skyrock.fm. Vous avez tout dessus sur Skyrock.fm, il est super ce site. Très bien. Je vous dis pas parce qu'on est sur Sky. Hein. Ah ouais, mais allez-y. Allez, mater Drake en concert avec Sky, à pas louper. On parle de concert, même dans un instant dans la roulette avec Jules à gagner. Vous voulez aller voir la première tournée de Jules, elle est pour vous. Bah tiens, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, on lance le top. Top inscription, 7-20-20, vous envoyez roulette au 7-20-20 et vous ferez tourner la roulette avec nous. Si vous voulez aller voir Jules, c'est pour vous. Paris, Marseille, Amnéville au Galaxy et Nantes, les concerts de Jules au mois de décembre, déjà pour vous sur Skyrock. Et on va parler des vengeances. Les vengeances, est-ce que vous vous êtes déjà vengé d'un de vos ex ou d'une de vos ex, Cariole? Non, parce que moi je suis pas comme ça. C'est bien, tu es une fille bien, moi aussi. Moi, je ouais, pareil. Ouais. Fini, je tire un trait. Romano, par contre, tu t'es vengé de ta gothique. Ah non, pas du tout, non. Tu t'es pas vengé de ta gothique, tu vas pas brûler son cercueil. Bah non, je précise, ne soyez pas choqués, la gothique de Romano vivait dans un cercueil. Ouais, mais c'était son kiff. T'aurais pu lui détruire son cercueil. Non, mais elle avait tout débarrassé quand je suis rentré. D'accord, donc tu t'es jamais vengé d'une ex, toi? Non, mais j'avais un pote, si, pour qu'il pue, il se trimbalait avec une corde de pendu et... Alors, il... pour qu'il pue est une ex de Romano, hein, je précise pour les nouveaux auditeurs de Skyrock. J'avais un pote, il avait fabriqué une corde de pendu, et puis chaque fois qu'il la voyait, il lui mettait devant le nez, tu vois. C'est horrible. Et elle avait peur. Ouais, elle se barrait, elle était là, ouais, t'es con. Ah putain, arrête avec ta... Arrête avec une corde de pendu, tu me fais peur. Donc, la compile des vengeances des ex dans l'actu, on va la faire tout de suite. Je remercie, Lutko. Ah, il y en a plein, hein. Ah ouais, t'as vu des messages? Lutko qui nous dit, j'ai été au domicile, à son domicile, j'avais encore les clés, j'ai pris son FIFA 15 qui venait de sortir, j'ai tout rayé avec des ciseaux. Après, j'ai tapé sa Xbox contre les murs, pris tous ses papiers administratifs et tout mélangé. Et puis, j'ai découpé ses vêtements, mort de rire. Toi, t'es, non, mais toi, t'es une psychopathe. Une folle hystérique, Lutko. Ah ouais. Merci, Lutko, pour le message. Reste à distance. Moi, je l'ai trompé. Voilà, ah bah oui. Ouais, écoute, bon bah voilà, tranquille. C'est Tobal, 21 ans, qui nous envoie ça. Et on avait aussi un message qui m'a fait rigoler là aussi ce matin. J'ai épousé le meilleur ami de mon ex. Vengeance. Bien joué, Vivi. Vivi, 30 ans. Ouais, pas mal, ça, ouais. Hein. Moi, je l'ai affiché au bahut. J'ai fait un montage avec un corps nu. J'ai mis sa tête dessus et tout le monde croyait que c'était elle à poil. Ah, mais elle, ça, faut faire gaffe, ça. Mort de rire. Pourquoi, Romano? Tu peux avoir des problèmes avec la justice. Attention, prévention, merci, c'est bien ça. Non, mais c'est vrai, ça, faut pas trop jouer avec. Genre pareil, balancer des dossiers sur les réseaux, tout ça, c'est danger. Eh bien justement, voici la compile du jour, la compile du morning. La compile du morning de Default sur Skyrock. Aujourd'hui dans la compile du morning, les vengeances des ex dans l'actu. Avec le classement, les trois premiers. Allez. Numéro 3. Numéro 3, ça s'est passé à Châteauroux. Pour se venger, elle n'était pas contente de s'être fait larguer. Elle a publié des annonces sur un site gay. Ouais. J'ai fait avec un de mes anciens patrons. Non, mais ça, c'est vrai que c'est un classique. Dans la radio dans laquelle je bossais avant, ils voulaient me virer. Je me suis dit, tiens, allez, gay, travesti, tout ça. Ouais, je l'ai mis partout. Allez, et Grady aussi. Oui, hein, oui. Total. Donc, elle publie des annonces sur un site gay au nom de son ex. Et, alors, le pire, c'est qu'elle a mis en vente sa voiture sur Le Bon Coin. Ah ouais. Ah ouais, putain. Le mec s'est retrouvé avec des centaines de coups de téléphone. Elle a été condamnée à 500 euros d'amende. C'est non, mais ça, sur le bon coin, il y en a beaucoup, hein. Ouais. Attention, attention. 500 euros d'amende. Ouais, encore, franchement, elle se sort pas trop mal, hein. Elle aurait pu être pire, ouais. C'est vrai. Bah, l'autre, elle pourrit la vie de son ex. Elle prend 500 balles. Bon, ça va, ouais. Ça va. Numéro 2. Numéro 2, on file dans le 95 à Sannois. Par vengeance, il brûle la voiture de son ex-compagne. Ah merde. Il n'était pas content. Ouais. Il habitait L'Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne, 42 ans. Il a déclaré qu'il avait agi ainsi pour se venger de son ex-petite amie, qui habitait donc à Sannois. La voiture a brûlé. Pzzz. Terminé. Tiens, bah, il y a batte propre. Elle m'a rayé ma voiture toute neuve et écrit PD sur le capot. La méchante. Attention, attention. Elle aussi a eu des problèmes avec la justice. Et numéro 1, c'est à Toulouse que ça s'est passé pour se venger de son ex. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors elle est complètement ravagée, hein. Elle a inventé, on en avait parlé en plus dans le morning. Elle a inventé une fausse alerte sur le vol Toulouse-Oran. Donc elle a appelé la police, elle a dit oui, il y a un terroriste dans le vol. Voilà, ah, dingue. Ah merde. Ah ouais, elle est complètement amochée. Il y a un terroriste dans le vol, s'il vous plaît, arrêtez le vol. Bon, panique totale, etc. Bon, ils se sont rendus compte que c'était un fake. L'autre, il voulait juste se barrer en Algérie pour partir en vacances. Ouais, parce qu'il en pouvait plus de sa bonne femme. Eh ben, on comprend qu'il en puisse plus de sa bonne femme. Il en pouvait plus de la cinglée. Je comprends pourquoi il l'a largué. Il a bien fait d'ailleurs, le Toulousain, là. Ah ouais. Donc numéro 1, pour se venger de son ex, elle invente une fausse alerte sur le vol Toulouse-Oran. Et en plus, elle a fait chier tous les gens qui étaient dans le vol. Bravo. Et voilà, elle a été condamnée elle aussi, hein. C'est dangereux. Oui. Faut faire attention, attention aux vengeances, c'est vengeance qui peut poser des problèmes. Les vengeances des ex, on en parlera peut-être ce soir dans la radio libre là, si on a le temps, parce que c'est marrant, il y a plein de messages qu'on n'a pas eu le temps de lire là. Ah merci, tiens, bah regarde, si là ce qu'on disait par rapport au Bon Coin, oui. J'ai fait la même chose de mettre une annonce sur le Bon Coin, j'ai été condamné à 4 mois de prison et 1600 euros d'amende. Ah oui, ça peut coûter cher. Ah ouais. T'as bien fait. Ah bah quand ils te retrouvent, ouais, en général, c'est pas. Ils s'abusent pas, ouais. Moi, elle est rentrée dans ma voiture, Nick Mouche qui nous laisse un message. Ouais. Elle a niqué la sienne aussi, elle est conne. C'est ça la vengeance, Romano, parfois on réfléchit pas. Ouais, non mais elle a pas réfléchi là. Ouais. Dans un instant, la roulette qui tourne. Allez, 7-20-20, vous envoyez roulette et vous faites tourner avec nous. C'est pour gagner Joule ce matin, les concerts de Joule avec Skyrock. Bon chéri, pour l'appartement, toi tu veux un canapé en cuir, moi une méridienne en tissu. Et tu veux suspendre les plantes alors que moi je veux les poser sur l'étagère. Oui, et alors? Alors pour le bien de notre couple, je pense qu'il faut qu'on aille voir quelqu'un. Profitez-en vite! Pendant les journées qui changent tout chez IKEA, des architectes d'intérieur vous donnent gratuitement des conseils en aménagement et décoration. Du 14 au 15 octobre dans votre magasin IKEA, jusqu'au 16 octobre pour les magasins d'Île-de-France et Caen. Inscription préalable et conditions sur IKEA.fr. IKEA! Showroomprivé.com présente une jolie robe à fleurs sur son vélo moteur, un chapeau rigolo quand elle est au boulot, un mini short très chouette direct sur sa tablette, une robe très mignonne sur son petit téléphone avec l'appli Showroom Privé, elle peut plus rien rater. Jusqu'à moins 70% sur les grandes marques, c'est tout le temps avec l'appli showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Les 4 semaines les moins chères de France continuent. Le chocolat le moins cher de France est chez Intermarché. Le lot de tablettes de chocolat au lait Milka de 4 x 200 grammes est à 5,79€ avec en plus 70% crédité sur votre carte de fidélité. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 16 octobre, soit 7,24€ le kilo. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalité, règlement et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de clignoter. Bon, à la Banque Postale, ils ont étudié votre tendance à garder votre chère vieille voiture. À la Banque Postale, ils ont aussi étudié qu'elle vous coûte quand même plus cher que vous ne l'imaginiez, hein, parce qu'elle demande beaucoup d'entretien, cette chère vieille voiture, hein. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils étudient, ils agissent. Alors jusqu'au 5 novembre 2016, profitez de leur bon taux sur le prêt personnel auto et en route pour financer votre nouvelle voiture. C'est ça l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Je suis en feu, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis en feu, je suis chaud, je suis en feu, je suis chaud, je suis en feu. Comme Zinedine. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. J'suis en feu. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'suis en feu. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je me reste de la vie. J'suis en feu. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. J'suis en feu. Ce soir je suis intouchable, je danse comme au Marcy. J'suis en feu. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. J'suis en feu. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car. J'suis en feu. Sors de la piste, fais une grande picard de Vanda. J'suis en feu. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien peu. Si tu me parles, rien peu. Si tu me touches, rien peu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Je suis en feu, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis en feu. L'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. J'suis en feu. Ce soir je suis un warrior, rappelle-moi Stephen Curry. J'suis en feu. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. J'suis en feu. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. J'suis en feu. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. J'suis en feu. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien peu. Si tu me parles, rien peu. Si tu me touches, rien peu. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Ouais, le morning qui nous réveille sur Skyrock. Où que vous soyez en France, on vous salue. Salut les bouchonnés ce matin. Il y a Benji qui est dans les bouchons ce matin et qui nous salue. Eh bien, courage. Salut Benji du 69. Salut les Lyonnais. Bienvenue à toi. On reviendra peut-être aux vengeances ce soir. Hein. Si vous vous êtes vengé de quelqu'un, on en reparlera entre 21h et minuit parce qu'il y a eu plein de messages. Le nombre de voitures défoncées, de voitures rayées. Les filles, vous vous vengez souvent, contre les voitures de vos mecs. Peut-être parce que vous avez l'impression qu'ils l'ont aimé plus que vous. Mais moi, j'ai une ancienne prof, moi, qui s'est vengée. Ouais, sur son mari. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait à son mari? En fait, c'était passé dans les journaux et tout ça. Hein. Parce qu'en fait, le mec, il voulait la quitter. Et elle, en fait, un soir, elle a pété un plomb. Elle l'attendait derrière la porte, cagoulée et tout ça. Et quand elle est rentrée, elle a simulé genre une fausse agression. Elle lui a mis un coup de barre de fer dans la gueule. Ça fait mal. Donc, au début, il y a eu une enquête et ils ont découvert que c'était elle. Parce que la meuf, elle avait pété un plomb. Elle supportait pas que son mari la quitte. Mais après, elle a été se faire soigner la tête. À l'hôpital. Mais le mari s'est bel et bien barré. Hein. Deux fois plus vite que prévu, bizarrement. T'arrives chez toi, t'as ta meuf cagoulée. L'autre te fout un coup de poêle à frire. Ah non, mais tiens, prends ça dans la gueule. Tiens, ma vie que c'est une petite ville, mais moi je l'avais eu comme prof. Hein. Et son mari aussi. Et vous aviez rigolé, non? Non, mais c'est arrivé là il y a un ou deux ans. Hein. Ah, t'étais pas au courant, t'étais pas au bahut à l'époque. Ah non, j'étais plus au bahut, mais tu sais, genre moi je viens, c'est une petite ville là, autant tout le monde en a parlé, ça a fait scandale. Tout le monde a dit, ouais, amoché. Hein. Ouais, le prof il est revenu le lendemain avec une gueule écrasée, un œil au beurre noir. Qu'est-ce qui t'a arrivé? Ah non, mais a priori elle lui en avait mis un sacré coup sur la gueule. J'ai pris un coup de barre de fer et de poêle à frire, mais bon, moi, par ma femme. Bon, les vengeances, on y reviendra. C'était un des sujets de ce morning. Il est 9h09 sur Skyrock et à 9h09, c'est l'heure de faire tourner la roulette et on accueille qui donc avec nous? Delphine. Bonjour Delphine. Oui, bonjour. Bonjour. Oula, tu viens du sud. Salut Delphine. Salut. Tu es où Delphine? J'habite à Marchique dans les Bouches-du-Rhône, à côté de Marseille. J'avais repéré le sud. Voilà, ouais, l'accent du sud. On me le dit tout le temps. Oh, c'est joli. Hein, c'est joli. Hein, oui, quel temps. L'accent du soleil. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui pour vous. Hein. Ah non, il gèle. Franchement, il fait froid. Il fait froid, Martigues. Oh, il fait seulement 35 froid. Degrés. Grosse gel. Non, là, on a 10, mais on a froid. Il y a du vent. Ah, en plus, c'est le Mistral. Voilà. Donc, Delphine, 38 ans, Martigues. Tu fais quoi dans la vie? Je suis aide-soignante. Très bien. Eh bien, on va faire tourner la roulette. Rien de tel que du bon son pour se soigner. Exactement. Ça fait du bien. Et c'est Jules qui a gagné. C'est Jules. Skyrock t'offre Jules en concert dans la ville de ton choix. Et la roulette sur Skyrock qui tourne. C'est pour toi, Delphine. Tu dis stop quand tu veux. Jules à Marseille, c'est complet. On a encore des places dans la roulette hein, si vous voulez faire tourner. Ouais. C'est pour vous toute la journée. T'as entendu tout à l'heure, on est allé dans le vieux port de Marseille avec Romano. Ouais. Charlie. Ah non, j'ai pas entendu, ah, désolé. À 8h moins quart. Ah, c'était pour nettoyer, comme ce week-end. Ah, c'était pour nettoyer, ah oui, il faut. Ah, il faut. Ah oui, bah on a vu à la télé, ouais. Romano, ouais, les colos s'en occupaient. Vous en avez pas sorti de la merde, hein. Carrément. Mais il y en a. Eh bien, nous, on a des places de Jules pour toi. Deux places pour toi, Delphine, c'est gagné. Oh, mais ben, je suis trop contente. Merci Skyrock, merci Bifoul, merci l'équipe. Ma fille va être super contente. Ah, tu vas donc y aller avec ta fille, c'est bien les filles. Voilà, ouais, elle va être contente. Eh bien, tu vas pouvoir en profiter. Elle aussi. Merci beaucoup. Deux places pour Jules, tu lui annonces ça quand elle rentre du bahut tout à l'heure. C'est ça, exactement. Ça va être la belle surprise. Ah ouais, elle va être contente, ouais. Elle va te dire, ah, tu déconnes. Ah, c'est non, pas mais vrai. Elle va même pas me croire, Lily. Arrête de m'emboucaner. Ah, m'emboucaner. C'est ça, arrête de m'emboucaner. Bisous, Delphine, et bisous merci à la famille. Merci beaucoup, à bientôt, l'équipe, vous êtes super. Au revoir. Bisous, bah, reviens quand tu veux. Salut. Salut. Il n'y a pas de soucis, salut. Et le zap du morning pour ceux qui se réveillent un petit peu en retard, écoutez bien. Ça s'est passé ce matin. C'est le zap du morning sur Skyrock. Julien le père. C'est le réveil de star sur Skyrock. Ouais. Wouhou, Bernard et la famille. On les a appelés avec Julien Lepers. Est-ce que le contact va être bon? J'espère. Allez. Bah, la part de qui? Le J, le U, le L, le I, le N. Julien Lepers. Julien. Ouais. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Ouais, bah moi c'est Julien aussi, tiens. Ah. Bouffon. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Dis-moi ce que tu fais, je te dirai après. Une turlute? Non, quand même pas. Je me mets à genoux devant toi. Oh. Je te l'ai déjà dit, c'est pas de mon bord ça. Mon cul. Dites-nous quelles elles sont. Tout pourri, mais que vous aimez bien. Romano. Moi, j'ai pris Blouda Boudida Bouda, moi. Hein? Blouda Boudin Boudin. C'est quoi? Mais si, Blouda Dédi Doudi Didi. Ah, Blouda Boudida Bouda, da Boudida Bouda, Bouda. Waouh. On vous a vu aux caméras de vidéosurveillance. Ouais. En train de jeter des pneus dans le vieux port et un cochon. Et donc, on est obligé de vous abattre. Magasin, là, je vous arrangeais là. Ouais, vous allez m'arranger. Un morceau, moi, si j'ai jeté des cochons. Je vais vous désosser, moi. Oh là, dis donc, l'ami, tu vas parler sur un autre ton parce que tu sais pas qui t'as affaire. Je suis quand même le capitaine de la capitainerie. Le capitaine de la capitainerie. Fais gaffe à toi parce que si je ramène le commandant Baybeck, un ami à moi, un ami marin, tu vas moins rigoler, il va te claquer un coup de rabis sur la gueule, t'en reviendras pas. Oui. Eh bien, passe, viens, je te désosse sur place, viens. Salut Aurore. C'est la radio Aurore, on est en direct à la radio ce matin. C'est Skyrock. Ah, je ne peux pas te dire, je ne peux pas te répondre. Ah non, pour le moment, secret. Je suis obligé de rester secret jusqu'à ce que je te demande quelle est ta radio préférée Aurore. C'est Skyrock. Eh ben c'est gagné là, je peux te le dire, on est sur Skyrock et t'as gagné 1500 euros. Ah, ouais. C'est Roméo. Ouais, c'est Roméo. Oh là, mais j'entends la radio derrière, dis donc, tu écoutes la meilleure radio du morning du matin. Exactement. Bon, ta radio préférée Roméo, c'est Skyrock. Et c'est gagné. Et hop là, un chèque de 1500 euros dans le 60 dans l'Oise. Bravo Roméo, félicitations. Ah, je suis très content. Ah bah on imagine. Roméo qui a gagné dans l'Oise dans le 60. Bien joué. Aurore qui a gagné dans le 29 en Bretagne à Quimper. Bravo Aurore, bravo Roméo. C'était le couple de la matinée. Ils ne connaissent pas, mais ils ont un point commun. Ils ont gagné 1500 euros tous les deux sur Skyrock. Vous aussi inscrivez-vous au 7-20-20 si vous voulez gagner 1500 euros et augmenter vos chances de gagner. Eh ben c'est simple. Vous envoyez roulette. Non, vous envoyez 1500 au 7-20-20. Ouais. 1500 au 7-20-20. Vous trompez pas et vous gagnez 1500 euros dès qu'on vous appelle et dès que vous répondez Skyrock. Faut répondre Skyrock, c'est tout simple. On vous appelle, on vous parle radio, au téléphone, Skyrock. Et Skyrock. C'est dans la poche du gros son ce matin avec Fredo. Voilà. J'allais dire, il m'a refait ma journée, Romano, quand je l'ai entendu ce matin. C'est vrai. C'est quoi, c'était sur FL 65? Tu peux me le dire, Romano, s'il te plaît? Ton morceau préféré? Va te faire. Comme ça, en français. Non, c'était pas celui-là? Non, il a dit Dabouda Dabouda. Bouda Boudi Dabouda. Comment c'est Blue Daboudi? Comment on dit d'ailleurs? Oui, c'est pas, ça. Non. Redis-le. Blue Daboudi Dabouda. Bah ouais, c'est ça. Ah bah toi, il chante ça. Hein. Bah oui. Blue Daboudi Dabouda. Et toi, Fredo, un morceau dont t'as un peu honte, mais que t'aimes bien? Moi j'ai dit Benny B. Moi j'ai dit François. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Oh oui. Il y en a qui ont choisi Tragédie dans l'équipe. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est Karim et Sam. Ouais. Ah mais vous êtes fous. Tiens Fred, dédicace. Tiens, pour vas-y, balance-moi. Mais vous êtes fous. Mais ouais, parce qu'à l'époque, en plus, j'essayais de danser pareil. Non. J'étais ridicule. Tu tournais sur la tête. Ouais. Avec la casquette. J'essayais, mais c'était horrible. Fred, qu'est-ce que j'ai pu me casser la gueule avec ces conneries. T'étais déjà premier sur le rap. Hein. Et Cariole, elle a choisi ça. Bon. Ça va, ça va. On a tous chanté bêtement ce truc-là quand même à un moment. C'est vrai. Et ça, tu l'as pas chanté, Fredo? C'est vrai. Eh oh. Oui, je t'entends. Eh oh. Eh oh. Tragédie. Bien sûr. Eh oh oh oh oh oh oh. Je sais pas ce que tu nous as réservé ce matin, mais en tout cas, il y a du bon son. Oui. Tu mettras Blue Daboudi Dabouda. Non, il y aura pas Blue Daboudi Dabouda. Oh, dommage. Mais je vous laisse l'exclusivité pour tout à l'heure à 21h. Merci. Ah, je suis pas sûr, mais on verra peut-être ce soir alors. Ce soir, 21h minuit, on est de retour demain matin pour le morning. On vous souhaite une belle journée. Journée qui démarre avec le son de Skyrock. Urban Music non-stop toute la journée sur la première radio urbaine mondiale. Ouais. Avec Fred qui dansait sur Benny B avec sa casquette. Mais vous êtes fou. Non, mais j'essayais de faire le truc. Vous vous souvenez la tortue là où t'es ridicule ou pas? Ah ouais, à l'envers comme ça. Les... À l'envers. Ouais. Ah, genre tu tournes sur le dos. Oui. Ouais, j'ai essayé, ça a jamais marché. Ah, ta souplesse, c'est légendaire. Oui, je sais pas pourquoi. C'est... Et pourtant, j'essayais même avec des potes qui essayaient de me prendre les pattes et de tourner, mais ça marchait pas. Non, ça marchait pas. Non. Ce soir, oubliez pas Planète Rap. C'est avec toi, Fred. Et avec Soprano. Oui, Soprano, pas loupé. Oui, Soprano dans Planète Rap, à pas louper. Vendredi, ça se terminera au Vélodrome entre 20 au et 21. Au stade Vélodrome. Faites vos commandes, je vais dans le stade. Et comme le stade sera à nous, je peux tout prendre. Ah, tu vas danser dans le stade. Ah, fais-le, ouais. Soprano, nouvel album à découvrir en exclu sur Skyrock. Il est là ce soir dans les studios de Skyrock à Paris. Et avec Fred, 20-21, Planète Rap, 21h minuit, Radio Libre, demain matin, le morning. Et tout de suite, du son toute la journée sur Skyrock. Ciao, ciao. Salut, ciao. À toutes. À tout à l'heure. C'est parti pour le son de Skyrock. Bonne matinée, bon mardi à vous tous. Rap R&B en non-stop avec les 21 Pilots. On fera aussi tourner la roulette, ce sera avant midi. Mais ça, je vous en parle dans un instant. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But there don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Get my time on my ride.